Après, on n'est pas obligé de... Photo de l'épisode. Marqué bonne année. Non, mais c'est parce que j'ai pris le truc d'un ancien... Ah, ouais. Et est-ce que celui de l'année dernière. Est-ce que tu as vu passer ce truc-là sur Internet, le générateur de nom de groupe de heavy metal? Non. Ben, toi, par exemple, tu serais les Forsaken Death. Ok, cool. Et moi, je serais les Forbidden Vengeance. Classe. Et si je prends mon pseudo, je serais les Forsaken Rage. Ouais. Et toi, si tu prends ton pseudo de machin, tu serais Rancid Empire. D'accord. Voilà. Cool. C'est ça. Je crois que j'ai dû faire la même avec les noms de tueurs en série, je crois. Ah d'accord. Ouais. Très bien. Comme quoi, on n'a pas les mêmes lectures. Non, ben voilà, c'est ça. On y va ? Quand ça ? Là. Hey, bonsoir. Bonsoir. Ah oui, oh, bien vu. J'avais complètement zappé. Ah, j'avais zappé. Alors j'espère que vous n'avez pas eu trop de glouglou. Est-ce qu'on n'avait pas coupé la chaudière ? Non, c'est le schkling-schklung. Ah, c'est le schkling-schklung. Ah non, putain, elle est où ? En parlant de schkling-schklung. Elle est où ? Elle est... Kling. Hey. Bah, et klung. Un peu foiré. À la tienne. Merci. Pareil. Eh bien, bonsoir et bienvenue dans cet épisode 9 de la saison 3 après, franchement, presque une heure de galère avec la technique, ça voulait pas marcher, on n'y croyait plus, on a cru qu'on allait devoir abandonner et encore sauter une semaine sans épisode, ce qui aurait été un peu délicat, parce qu'on n'a pas trop de blanc possible d'avance. Donc là, il fallait qu'on enregistre. Et puis surtout, j'avais un peu peur que mon ordinateur soit mort. D'ailleurs, c'est peut-être le cas. D'ailleurs, peut-être que j'enregistre pas. Peut-être qu'il n'y a rien qui va. Oui, voilà. On verra. Donc on s'en fout, du coup. Du coup, on s'en fout. Voilà. Et est-ce que je peux te raconter une petite histoire comme introduction ? Fais donc. L'autre jour, je jouais avec ma fille dans sa chambre. Là, je la taquinais un peu, je la bousculais. Tel un papa qui s'amuse avec sa fille. Rien de dégueulasse, hein, juste on s'amusait quoi. Oui, et puis je la pousse sur son lit, puis elle se relève, et puis je dis allez, je file. Et puis elle me revient me voir 2 minutes après, elle fait dis donc, quand tu m'as poussé sur le lit, sous ma couette, il y avait mon ordinateur d'allumé. L'écran est mort. Voilà. Wow. Eh ben bien, ouais. Elle a quand même essayé de dire que c'était de ma faute. Parce que moi, je lui avais dit de faire son lit. Ouais. Et donc elle a fait son lit, elle a mis sa couette. Par-dessus, voilà. Le PC. Mais tu sais, c'est quoi le plus impressionnant ? Enfin, bon, je continue l'histoire un petit peu. Après, il était sous garantie, donc je me dis, bon, bah, je vais appeler Darty, je suppose que c'est mort, parce que les bris d'écran, c'est pas pris en compte, mais peut-être que ça sera pas trop cher. Ouais. Je l'amène directement chez Darty. Darty, ils ouvrent, ils regardent, ils referment, ils me le rendent. D'accord. Et ils m'ont juste dit, vous avez un animal de compagnie ? Et oui, j'ai des chats. Bah, c'est le chat qui l'a fait tomber. Voilà. Appelez votre assurance. Eh ben, tu me croiras ou pas, mais j'ai pas du tout fait ça. Oh merde. Ouais. T'as pas appelé l'assurance? Non. Mais ouais, j'ai changé la dalle. Moi-même. Waouh. Ouais. Ça t'a pas coûté trop cher? 50 balles. Non, bah, ça va. Ça va. Putain, je voulais le faire pour un téléviseur. Moi. Ouais, bah là, j'ai changé. Bah après, c'est peut-être plus cher pour un téléviseur. Bah oui, c'est plus cher que le téléviseur en lui-même. Ah bah sûrement, ouais. Après, c'est pas du tout sûrement la même dalle. Là, c'était un tout petit ordinateur et voilà. Mais je l'ai changé moi-même. Sur un PC, j'ai jamais fait. Sur les télés, ouais, j'ai démonté plein de fois. Bah je l'avais jamais fait, je l'ai fait. Oh bah faut se lancer, hein. C'est ça. C'est comme tout. Hein. Après, oui, moi, au point où j'en étais. Oui, le truc qui est marrant, donc, c'est qu'il lui restait plus qu'un, on va dire, un quart d'écran. Ouais. D'accord. Qui fonctionnait, c'est ça que tu veux dire. Qui fonctionnait. Voyais, quoi. Et bah le soir, elle était quand même en train de regarder YouTube dessus dans le petit quart d'écran. Ah les ados. Voilà. Alors, as-tu passé une bonne semaine? Que dis-je? Deux bonnes semaines, mon cher Bob. Oui, tout à fait. Est-ce que j'ai passé deux bonnes semaines? Grosso merdo, oui. Eh bien, tant mieux. Tranquillou bilou. Rien de spécial ? Non, rien de spécial. On se prépare gentiment pour le week-end. C'est vrai, parce qu'il faut savoir qu'une partie de Road to Hellfest sera en déplacement ce week-end du côté de Nantes. La moitié, en tout cas. Bah, une partie, hein, clairement. Voilà. Ce n'est pas la tête pensante qui se déplace. Non. C'est l'autre partie. Du coup, Bob... On va pas dire laquelle. Ah bah si, du coup. Oh hein? Non, mais j'ai entendu. Ouais, mais de toute façon, on n'enregistre pas, donc c'est pas le problème. Personne ne l'entendra. Ce n'est pas ça, là. Si vivant. Déjà. Donc, parce que ce week-end, où c'est que tu t'en vas? À Nantes. Ouais, cool, faire voilà, quoi? Au Stéréolux. Voir Avatar, putain, mais... C'est ça. Gagne du temps, on a perdu assez de temps. Ouais, mais je suis pas la tête pensante, moi, alors du coup, j'arrive plus à penser. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Voilà. Donc, tu lances... Est-ce que tu lances un appel à nos potentiels fans sur place? Fans, carrément. Nos potentiels... auditeurs. Auditeurs, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est déjà pas mal. Je me suis enflammé, excuse-moi. Ouais, c'est ça. Bah oui, bien sûr. Écoute, si jamais... Bah, il y a certains auditeurs, hein, voire certains... Hein. Qui nous écoute forcément, parce que vous êtes des auditeurs, qui bah, se trouve dans les parages, hein, je me ferai un plaisir de boire une bière payée par vous. Donc si on peut résumer ton petit week-end, donc le vendredi soir Avatar au Stéréolux, voilà. Et potentiellement le samedi à la scène Michelet, ouais. Death Metal. Voilà. Donc si sur l'une des deux dates il y a des gens ouais qui sont auditeurs de Road to Hellfest, n'hésitez pas, Bob sera là pour vous accueillir et vous faire des empoignades. Tout à fait. Très bien. On évitera les bisous. Hein. Oui, non, bah, c'est à cause de la gastro. C'est ça. Sinon, tout simplement, grippe, gastro. Très bien. Et ben voilà. Et toi? Écoute, parce qu'à chaque fois, tu le marques. Oui. Et hein, moi, c'est gentil. C'est gentil de demander. De demander. Bah écoute, moi, je pensais que c'était le week-end dernier, ton week-end à Nantes. Eh ben non. Week-end à Nantes. Putain, hey, j'y ai pensé en plus. Je crois que je voulais te faire la blague en plus. C'est con, putain, si tu y as pensé. Non, à part ça, moi, tu fais rien de spécial, très calme. Je casse des ordinateurs, je répare des ordinateurs. Nickel. Ouais, non, rien de spécial. Tu sais, moi, cette année, c'est une année blanche. Ne comptez pas sur moi. Ah, mais si, il y a quand même quelques petits trucs de prévu. Bah, rien. Moi, j'ai rien là. Perso, ah ouais. J'ai un billet de... Bah, si, on a quand même un camp. J'ai pas. Ah, tu l'as pas? Bah non, j'ai un billet de Knotfest, c'est tout ce que j'ai, moi. Oui, voilà. Pour l'instant, c'est tout. J'ai rien. Je disais pas qu'il y avait Massista qui passerait... J'ai rien. Bah, tu l'as commandé? Bah non, je l'ai pas commandé. Tu m'en as reparlé? Non, mais moi, je t'attends, en fait. Ah non, ah, tu m'attends? Ouais, je t'attends. Moi, je t'attends. Il y a le bal des enragés avec No One. Mais j'ai pas... Bah, paraîtrait-il que c'est No One en première partie, donc après... Quoi? Paraîtrait-il. J'ai pas non plus, ça. T'as pas non plus? Mais c'est le mois prochain. Non, mais c'est... Non, c'est au mois d'avril, non? Mars-avril, je crois. Un truc comme ça. Enfin, mars bon. Ou avril, je sais plus. Bon. Bah, on fait comme ce qu'on a fait très bien ces 15 derniers jours. On en parle. Et voilà, c'est ça, tout à fait. Ou pas. Non, mais bah, tu me fais une liste et tu me dis... Parce que moi, ouais, je te fais une liste. Tout à fait. Ouais, ça va. Tu vas peut-être trouver 5 minutes pour faire ça. Bah, je sais pas, je te dis, je suis vachement occupé en ce moment. Je sais bien. Ça va être compliqué. Hein. Bah, je me doute. Ouais. Bon, bah écoute, je te propose de passer aux news. Ah, bah ça fait plaisir. Eh ben, je t'en prie. Oui, eh bien, écoute, moi, en tant que grand fan de Lamb of God, j'attends avec impatience l'album solo de Mark Morton, Anesthétique. On est d'accord? Tout à fait d'accord. On est d'accord. Qui sortira le 1er mars. Paraîtrait-il. Un album qui, je le rappelle, fait la part belle au featuring, que ce soit avec des musiciens ou des chanteurs. Et c'est le mercredi 9 janvier qu'un nouvel extrait est sorti, à savoir le featuring avec Chester Bennington. Tiens. Eh oui. Enregistré quelque temps avant sa mort. Tiens, tiens. Sur le titre Cross Off. Mm-hmm. As-tu eu l'occasion d'écouter ce titre? Non, je ne l'ai pas écouté, celui-ci. Eh ben, moi, je me suis posé la question au début en me disant ah, est-ce que c'est pas un peu salaud de sortir ce titre-là en extrait? Ça va forcément attirer du monde. Est-ce qu'il n'y a pas un petit côté... toi, un petit... Pas... comment dire... putaclic, un peu, tu sais, pour dire « Ah, ça va ouais. forcément venir faire des gens. » Et en fait, j'ai vite arrêté de penser à ça, parce que quand j'ai écouté le titre, j'ai été... Ça m'a surpris, en fait. Pas par la qualité du titre, mais de me dire « Putain, mais il est mort, en fait. » C'est pas comme si je prenais conscience de ça, mais... Ça m'a fait un effet rétroactif un peu bizarre parce que ça arrive tous les jours maintenant qu'on écoute des chansons d'artistes morts. Bah mais, oui. Mais là, c'est plus le côté de. Tu vois, il a été enregistré avant sa mort, mais il ne sort que maintenant. Donc ça fait un témoignage en décalé. Ça m'a fait un peu bizarre. Alors que ce genre de truc d'habitude ne me fait rien du tout. C'est étrange ça. Mais ça m'a fait un truc étrange, tu vois. Mmh. C'est ça. Et le titre est pas dégueu. D'accord. Ouais. Un album que tu attends, donc? Oui, tout à fait. Ah, ça me fait plaisir, parce que des fois, j'ai un peu peur que tu... Parce que comme tu dis des choses, et après, je me dis, ouais, ça se trouve, il ment. Non. Ouais. Non, là, je ne mens pas. Eh bien, ça me fait plaisir. Je passe à la news suivante. Oui. Frank and the Racket Snake. Rattlesnake. Frank Carter. Frank Carter and the Rattlesnake, c'est ce que j'ai dit. Oui. Le petit gredin a décidé de faire parler de lui à nouveau avec la sortie prochaine d'un nouvel album. Je tiens à rappeler que, ici présent, nous sommes assez fans du personnage qui marche sur les gens et se donne un petit peu en spectacle de pleine puissance. C'est ça, en marchant sur les gens. Le 3 mai, qui n'est pas du tout le jour de mon anniversaire, l'album au titre évocateur End of Suffering comprendra 11 titres, dont un featuring avec Mystère Tom Wami Morello. En même temps, est-ce qu'il y a un album qui sort où il n'est pas en featuring, celui-là? Et quoi de mieux qu'un premier extrait pour se faire une idée? Bah, deux extraits, bien sûr, mais on n'en a qu'un pour l'instant. Et il s'intitule Crowbar, qui n'a rien à voir avec le groupe. Oui. Je l'ai écouté. C'est une première écoute, ça m'a pas forcément plus emballé que ça, mais c'est pas un mauvais titre, mais ça, voilà, c'est pas. Pareillement. Ouais. Tu l'as, il t'a laissé un peu sur ta faim. Un peu, ouais. Ouais. Ouais, ça m'a fait penser à un groupe anglais très. Beatles. Non, mais un peu plus Zootons, tu vois, dans l'esprit, quoi. Ouais. Très cool, mais pas du tout. Pas Frank Carterisé. Bah voilà, c'est ça. Mm. Donc après, bah écoute, un peu, ouais, à un voir peu pour le reste. Quoi. Un petit peu ventre mou ce titre, ouais. Comparé à ce qu'on a l'habitude. Ouais. Mais, après, c'est comme souvent ça arrive, les groupes ont besoin de tester d'autres choses, hein, des fois. C'est ça. Je t'en prie, news suivante. Tu connais mon amour pour la cuisine, Jack? Oui. Oui. Imagine un peu de Randy Blitz, chanteur de Lamb of God, un soupçon de Javier Reyes, guitariste de Animals as Leaders, une louche de Lorenzo Antonucci, ex-guitariste de Swarm Enemy, tu saupoudres de G.G. Cassier, de l'agence Booking 33 and West, et tu assaisonnes de Baron Bognar, du label Media Scare, putain la vache, Media Scare Records. Et tu obtiens Over It All, un nouveau super groupe dont le premier album sortira dans le courant de l'année 2019. Ah ouais, putain, c'est cool ça. Voilà. La vache. Ça a l'air d'être vachement sympa. Bah écoute, à voir. Ah, j'ai beaucoup aimé la tournure de ta news. Ouais, t'as vu? Ouais. Ouais, c'était bien foutu, je trouve. Elle est pleine d'épices. Ouais, c'est ça. Et donc, comment... Perdu crasse, on appelle. Réceptionnes-tu cette news? Eh ben écoute, avec grande joie. D'accord, très bien. Et ce qui est fort chez toi, c'est que tu sais très bien cacher ta joie. Ah, complètement. Tu me faisais part dans la journée de l'un de tes dons. Je pense que celui de cacher ta joie, on est peut-être un autre. Eh ben ouais, non mais... Multidon. C'est ça. Très bien. Alors, je suis partagé entre le fait de renaître à fond dans les news, mais en même temps, derrière, il n'y a pas grand-chose, donc je suis un peu entre les deux, tu vois. Ouais. Oh, hey. Écoute. On y va. Fais donc. Très bien. Le film Bohemian Rhapsody, après avoir reçu le prix du meilleur film et celui du meilleur acteur aux Golden Globes, a dépassé les 4 millions d'entrées en France, et il se trouve qu'il est en plus nominé 5 fois aux Oscars. Je pense que le monde va plus et que je vais sortir mon gilet jaune et me rallier à la cause de manière perdue pour perdu, autant mourir dans un acte... Dans une petite cabane en bois, dans un acte désespéré. Voilà. Donc ce n'est pas un bon film. Voilà. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Mais ce n'est pas un bon film. Pour éviter de... Il vous manque trop critique. Non, mais sans commentaire. Voilà. Oh, au pire, tu l'expliqueras. Monte sur scène directement. Sur scène. C'est les Golden Globes, non, c'est ça? Non, c'est quoi? Quoi? Cinq fois, non, c'est les Oscars, c'est ça? Cinq fois, ouais, ouais. Oscar nominé. Bah, au pire, t'y vas, puis tu gueules un coup là-bas. Non, écoute. Ouais. Non, mais bon. Non, allez, à toi. Bon, restons dans le cinéma, avec Mr. Rob Zombie, qui a terminé le tournage de son prochain film, qui vient de clôturer une trilogie. Je veux bien sûr parler de Three from Hell, qui fait suite à House of Mil Corpses, et The Devil's Reject, qui est à mon sens, un petit bijou cinématographique. Et je le pense. Pas de date de sortie annoncée, mais la patience, des fois, est salvatrice. Tu vois. Et ça, c'est bien. Et c'est justement de ça que je voulais te parler. D'accord. Parce que j'ai vu 31, donc. Oui. Donc, je l'ai vu vendredi après-midi. Ouais. Parce que je n'ai pas de vie, donc moi, je n'ai rien à faire. D'accord. Quand je ne travaille pas. Et ben, en fait, j'ai plusieurs choses à en dire. Ouais. Voilà. Ok. Non, mais je vais le faire, je vais le faire. Alors, j'ai passé un plutôt pas mauvais moment, ouais, on va dire ça. Par contre, le doublage en français est dégueulasse. Horrible de chez horrible. Il n'est pas, pas acceptable, j'ai envie de te dire. Ouais. Franchement, j'avais que la VF, sinon je pense que j'aurais switché tellement ici. Il est horrible. Surtout en plus, comme le film commence sur un monologue de Doomsday qui est plutôt pas mal du tout. Ouais. Donc j'ai plutôt passé un bon moment dans le film. Par contre, j'ai un problème. Et j'ai été me renseigner un peu sur Internet et c'est une critique que j'ai retrouvée aussi ailleurs. Il faut que Rob Zombie arrête de faire tourner sa femme. Ouais. Parce que ça nique tout. Là, en l'occurrence, j'ai dit, elle va pas mourir. Elle va pas mourir. Puis jusqu'à la fin, du coup, je dis, non, mais elle va survivre. C'est sa femme. Du coup, j'étais un peu partagé parce que ça faisait vachement retomber l'ambiance. En fait, il aurait dû la tuer dès le début. Tu vois, ouais. Tac, tac. Après, la galerie des monstres est super bien. Le côté espèce un peu de survival horror est bien tourné. Je suis moins fan de la partie baroque. De soi-disant, ceux ouais, qui gèrent le truc, il m'a rappelé un peu La Sorcière de Salem, la fin. Ouais. Tu vois, ça m'a un peu rappelé ça, et c'est un film que j'ai déjà moyen aimé. Ça m'a un peu rappelé ça. Après, je trouve que c'est... Par contre, alors ça, le vrai point noir du film, selon moi, c'est que son film le moins ambitieux, en fait. C'est celui où tu reconnais tout de suite sa patte. Je veux dire, en une scène, celle du départ dans le camion, ouais, il présente tous les personnages, il installe l'ambiance et tout. T'as pas du tout de... Tu sais où tu es direct, quoi. Ouais. Ça, c'est super bien. Mais après, il déroule son truc normalement. Il n'y a pas vraiment de prise de risque. Y a pas... On est moins sur le Rob Zombie qu'on a pu voir avant, justement. Il est dans un exercice, je dirais pas facile, mais... J'ai pas aimé Les Sorcières de Salem, mais au moins il a tenté quelque chose. Ouais. Là, je trouve qu'il est un peu en mode facile, quoi. C'est peut-être un des moins ambitieux de ce qu'il a fait, je trouve. Ouais. C'est voilà ce que j'en ai ressenti. Mmh. Et par contre, là où on avait reparlé de ce film il y a pas trop longtemps, quand tu avais dit, regarde-le, à la fin, tu vois, les méchants, ils gagnent. C'est pas vraiment ça que j'appelais c'est pas ce que je voulais dire vraiment quand je parlais de méchants qui gagnent, parce que là, tu te doutes plus ou moins, surtout dans ce genre de film. C'est un petit peu comme quand tu prends un Jason ou un Halloween, le méchant se relève toujours. Donc là, on est un peu dans cette idée-là aussi, ouais, même s'il était dans une certaine configuration. Ouais, donc du coup, c'est un bon Rob Zombie, mais c'est pas son meilleur. Voilà. C'est celui que je t'avais prêté, non ? Tu me l'as jamais prêté. Tu devais me le prêter. Oui, je devais te le prêter. Bah là, c'est ça. Donc j'attends toujours. Du coup, au cas où tu voudras le regarder. Tu l'as regardé en VF, toi ? Oui, que en VF, ouais. Et ça t'a pas marqué ? Est-ce que Parcimonie est pas... Elle est pas version originale, du coup. Soit... Désolé, excuse-moi. Et ça t'a pas contrarié, cette... Un petit peu. Un petit peu, ouais. Moi, ça m'a beaucoup... Ouais. Très bien. Écoute, et donc, je suppose que... Parce qu'on rigole, c'est fou, c'est comme si s'était passé quelque chose. Mais alors que rien, en fait. Je suppose que tu attends pas mal de cette suite de The Devil Reject. Oui, forcément, déjà rien que le début, hein. Comment est-ce possible? Voilà. News suivante. Corey Taylor a posté une photo sur Instagram sous-titrée devinez ce que nous sommes en train de faire. J'avoue avoir pensé à une tarte aux pommes, parce que c'est bon, les tartes aux pommes. Mais comme il avait l'air d'être assis dans un studio, je pense qu'il s'agit plutôt de l'enregistrement du prochain Slipknot annoncé pour mi-2019 par Roadrunner. Un album, bien sûr, qu'on attend. Bon, bien sûr, depuis, il y a eu d'autres photos, donc ils sont vraiment en studio, tout ça. Ils ont même expliqué un peu ce que chacun faisait, comment aborder tout, l'écriture et l'interprétation, tout ci, tout ça. Voilà. D'accord. Ouais. Un album que j'attends. Mi-2019. Oui. Ça change tout le temps, de manière, donc... Avant lui, le Knockfest, tu penses ça ? Moi, oui, je pense qu'il serait sorti avant. Corey avait dit à un autre moment que c'était au printemps, mais bon, après... Des fois, ça prend du retard. Ça me semble un peu compliqué maintenant pour le printemps, mais bon. J'aimerais bien. En tout cas, on aura des nouveaux morceaux, c'est sûr, sur scène. Au moins un. Oui, oui, du coup. Voilà. Megadeth. Oui. La grosse annonce. Et oui, il y avait une grosse annonce de prévu. Oui. Vous avez dit qu'il y avait une grosse annonce tel jour. Imagine. Ah ouais. Voilà. Un Greatest Hits annoncé pour le 22 mars. 35 titres. Que dis-je ? 35 hits remasterisés pour l'occasion. Un maxi best-of intitulé Warheads on the Foreheads, ce qui veut dire ogive sur le front. Oui. Voilà. T'as vu ? Ouais. On s'amuse en se cultivant. Road to Hellfest. Ouais. Moi, je j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. On parle anglais. Bah, c'est sympa. C'est important. C'est important. Normal. C'est la langue de chaque spère. Tout à fait. Alors, news suivante. Tiens, elle m'a l'air grosse, celle-là, donc je vais essayer de la faire. Cannibal Corpse vient juste d'annoncer, là, de suite, que c'est Eric Rutan, le maître de l'esprit de Et Eternal, qui va rejoindre le groupe pour leur tournée actuelle. Une tournée qui inclura la cotette d'affiche avec Morbid Angel pour The Decibel Magazine Tour et, bien sûr, la grosse tournée avec Slayer, Lamb of God, tout ça, tout ça. Rutan a déjà produit 4 albums du groupe, donc il connaît bien le matériau, et selon lui, le groupe lui-même, c'est également l'un des guitaristes les plus précis de la scène. Pour rappel, il remplacera Pat O'Brien, qui a quelques soucis en ce moment. Il fait l'objet d'accusations de vol avec effraction dans un logement occupé avec agression et voies de fait graves contre un agent de la paix. Les faits ? Il serait entré par effraction chez un voisin, a jeté une femme par terre dans la résidence et s'est précipité vers leur arrière-cour où il s'est caché derrière une clôture. Lorsque les flics l'ont encerclé, il a tenté de les attaquer avec un couteau, mais a été stoppé et arrêté. Bien sûr, pendant que cela se produisait, sa propre maison était en flammes et des balles réelles partaient dans tous les sens. Il y avait également des lance-flammes de qualité militaire et tout un arsenal qui ont provoqué un grave incendie. Les pompiers ont travaillé pendant des heures pour éteindre ce même incendie. O'Brien ne fait l'objet d'aucune accusation à la suite de cet incendie. Petite particularité, moi qui m'a fait doucement rigoler. L'épouse du batteur du groupe a lancé une campagne pour tenter de remettre ce bon vieux Pat sur ses pieds parce qu'il n'a aucune assurance et que les gens ne devraient pas sauter aux conclusions trop vite. En même temps, quand même les conclusions. Ouais. Pour l'instant, déjà 20 000 dollars ont été amassés. Quand même. Mais bon, j'imagine bien le mec, il se retrouve arrêté et tout ça, et au même moment, sa maison remplie de flingues, d'armes et tout ça, est en feu. Et là, tu fais, quelle soirée. C'est clair. Quelle soirée. Ça saute de partout, ça va être sympa. Bah ouais. News suivante, parce tout que à du fait. Coup, on rigole, mais... Hey heureux, bonsoir. Bah oui, je voudrais que ça s'arrête. je ne sais pas quoi faire, donc je coupe. Metallica qui va sortir une nouvelle petite boisson après leur propre whisky et une ancienne association avec Budweiser pour lancer une bière de marque, c'est ça ? C'est ça. Maintenant, le groupe a sa propre bière brassée pour elle-même appelée Ce qui te fait rire. Bah oui, mais non, parce que ça ne veut rien dire. C'est pour ça que ça me fait rire. Bah. Maintenant, le groupe a sa propre bière brassée pour lui-même, à la rigueur, pour le groupe. Voilà. Brassée. Point. Voilà, ils ont leur propre bière brassée. Voilà, tout court. Appelée Hunter Night. Elle a été réalisée en collaboration avec Stone Brewing. Hunter Night est une petite bière de 5,7 degrés. Pour l'instant, dispo qu'au niveau national, mais international au printemps. Lars Ulrich parle d'idéaux et de perspectives partagées par Metallica et Stone Brewing, et à quel point il est impressionné par la similitude de leurs chemins respectifs. Bref, blablabla, blablabla, bisounours, blablabla, monde, le monde est une licorne et le monde est impatient de partager cette bière avec le monde. Et comme on le comprend, et oui, car nous... Même. Pas forcément. Ah bon pas... Bah... Une petite Hunter Night. Oui, pourquoi pas, oui, non, mais je suis pas impatient. Tu vois quoi, je bois une Hunter Night. T'as fait quoi hier? Je me suis envoyé quelques Hunter Night. Ah ouais, du coup, ça sonne pas trop mal. Tu vois? Ouais, pourquoi pas. Tu vois, c'est ouais. Elle a l'air sympa, c'est quoi? C'est une Hunter Night, 5,7 seulement. Waouh, donne-en moins 15. Oui, c'est ça. Tu vois? Ouais. T'as amené un pack d'Hunter Night? Bah évidemment. Tu vois? Ça fait pas beaucoup aussi. D'Hunter Night. Ouais, qu'il faudrait qu'il fasse par pack de 24, voire 56. Prends une palette. De quoi? Bah, une palette d'internet. Moi, je trouve ça pas mal. Ouais, ok. News suivante. Dave Chavary, créateur et batteur de El Niño, a annoncé un nouveau line-up après une année 2018 bien calme pour le groupe. Donc, c'est Marcos Lille qui sera au chant. Jess Desoyos en tant que lead guitar. Serge Mignaz à la guitare rythmique. Et déjà, un nouveau titre, Sangré, à découvrir dès maintenant. C'est fou parce que c'est vrai que depuis leur venue en 2017 au Fest, bah, y avait pas eu trop de news de leur côté. Oui, c'était pas passé grand-chose. Hein. Non. Et en plus, comme on les avait pas vus, bah, on n'avait pas trop... Ah bah, El Niño, quand même, c'est dommage, parce que c'est mon groupe de la vie. Bah oui, parce qu'en plus, t'es à moitié mexicain, toi, comme mec. C'est vrai, c'est ça. Donc c'est grave. J'ai la moustache, et du coup... C'est vrai, non, mais tu la portes sur toi. C'est ça. Bref, news suivante. Christian Machado, chanteur de El Niño, Haru Luster, guitariste de El Niño, et Diego Verduzco, autre guitariste de El Niño, expliquent ne pas avoir quitté le groupe et se sont même excités de travailler sur de nouvelles musiques. Du coup, un conflit quant à l'usage de la marque El Niño est actuellement en cours. What? Mais qu'est-ce que c'est que ça veut dire? Je viens de l'apprendre, c'est une dépêche qui vient de tomber. La vache? Ouais. Ouais. En live. Bah, bon, en vrai, pas tout à fait en live. Mais les news, genre sur une douzaine d'heures, il y en a un qui annonce, ouais, voilà, on a changé le groupe, bon, bah voilà, un nouveau titre, tenez. Puis derrière, il dit, en fait, on n'a pas quitté le groupe, donc il y a quelque chose de chelou. C'est ça, ouais. Voilà, donc les deux vont être en pourparlers pour décider qui va reprendre le nom de El Niño, mais... On pourrait se retrouver avec deux groupes El Niño. C'est ça. Ce qui est assez drôle. Un peu comme Batushka dans l'esprit. Voilà. C'est ça. Ils font une Batushka. Ils font une Batushka. Une Batushka mexicaine. C'est ça. C'est ça. Ça s'exporte en fait du coup. Hein. C'est ça. Pas mal. C'est complètement ça. Le principe s'exporte. C'est ça. Après la Suède. Ah bah là. On y reviendra sur la Suède. Ah ouais. Crois-moi bien que tout à l'heure, j'en parlerai. Les Suédish. Ou des Suédoises. Ah! J'ai des choses à vous dire. Sympa. Passons à la petite poignée de news Hellfest. Vraiment, cette semaine, enfin, même sur les 15 dernières semaines, pas grand chose à se mettre sous la dent. Oui. D'où l'importance du timing quand tu parles, parce qu'il ne faut pas mettre des pauses au mauvais endroit. Oui, non, c'est vrai. Fait divers, ça tombe bien, nous y sommes. Drôle. Merci. Une plaque a-t-elle été volée sur le site de Clisson? Je ne sais pas si tu as pu voir cette news, mais même sur les différents groupes, plusieurs se sont inquiétés de voir la plaque de 2000. Je ne sais pas. 2006. Ouais, non. 8, non, c'est pas ça. 2008. 2008. 2000. Si, non, chaque édition. Non, mais non. Une des plaques recensant tous les groupes, d'accord. Bon, bah voilà, elle a disparu. C'est ça. Et du coup, celle de 2008, précisément. C'est marqué précisément. C'est ce que j'ai dit. Tu as raison. Et donc, les gens étaient inquiets. Du quoi? Comment ça? Ça a été volé? C'est scandaleux. Les gens respectent rien. On dirait Thomas VDB, quoi. Ouais, pardon, c'est pas du tout fait exprès. Bref, les gens étaient scandalisés et inquiets au point tel que Il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête et que la communication du Hellfest a dû intervenir pour dire elle est en rénovation. Il y a actuellement de la maintenance de nos équipes techniques sur place. Voilà. Ah, un petit coup de nettoyage, quoi, en fait. Hein. Voilà, alors vous inquiétez pas, ça arrive des fois. On peut faire de la rénovation sur différents trucs déjà existants. Ça. On met des trucs au propre, hein. De l'usure. Qui... Rien de bien exceptionnel, mais c'est en ça. Tout cas, le mystère est résolu. Et tout ça, à fait. Merci, Scooby-Doo. Encore une enquête de rondement menée. Autre article, alors là, pour le coup, ça m'a fait beaucoup rire. Le site actu.fr a publié un article sur le Hellfest. Bon, déjà, sympa. Merci les gars. C'est clair. Changez rien. Intitulé « Les deux visages du festival à Clisson ». As-tu été voir ce que c'était? Ah, j'ai pas pu le voir. Alors attends, à ton avis, qu'est-ce que ça peut être? Alors, qu'est-ce qu'on peut penser quand on voit les deux visages? Les deux visages du Hellfest, qu'est-ce que ça pourrait être? Qu'est-ce que ça pourrait être, les deux visages? Je sais pas, genre... Ah la vache, bonne question. Les deux visages du Hellfest. D'un côté, t'as un gros festival de musique extrême, de métal, qui rassemble beaucoup de monde. Ouais. Je sais pas, qu'est-ce que ça pourrait être son autre visage au Hellfest? Peut-être on pourrait voir les gens qui s'occupent de ça dans leur vie de tous les jours. Ça pourrait être ça. Et voir à quel point ils ont un truc simple, alors que le reste de l'année, enfin, à un moment particulier, tout le monde les prend un peu pour des demi-dieux. Ouais. Ça pourrait être aussi, pour contrebalancer, montrer le désert de Clisson et des alentours. Je sais pas, ça pourrait être plein de trucs. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça, hein. Non, je sais pas. Peut-être. Et ben en fait... Dis-nous tout. Ça m'a fait beaucoup rire parce que d'un côté, ils disent... voilà, pendant 4 jours en juin, c'est la foule et la furie métal, et le reste de l'année, c'est bien plus calme. Et en fait, ils font des photos comparatives. Genre le rond-point en juin 2018 et en janvier 2019, d'accord. Où il n'y a rien. C'est un rond-point, somme toute vide. Mmh. Le muret de Clisson, où en juin 2018, il y a plein de bière, et puis en janvier 2019, bah, il n'y a rien. L'allée principale du site, où en juin 2018, bah, c'est rempli de monde et tu vois rien. Puis en janvier 2019, bah, y a un pauvre pélos qui se balade. Et toutes les photos sont comme ça. Et je me suis dit vraiment, mais pas grand-chose à raconter pour faire un article là-dessus. Non, c'est clair. Hein. C'est, genre, tu sais, tu dis, c'est comme si tu dis, hey, toi, tu crois qu'il se passe quoi le reste de l'année sur le site du Hellfest? Bah rien. Bah, y a plein de metalheads hein, qui arrivent et puis qui font de la musique. Non, non. Non mais tu vois, c'est quand même... C'est calme. C'est un peu... Voilà, ça m'a fait rire. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. Il n'y a rien à dire, donc... Ben non, il n'y a rien à dire, ouais. Tu sais, c'est vraiment... Eh, hey, bah tu sais quoi, 4 jours par an, t'as 60 000 personnes. Ouais, et le reste du temps, bah il n'y a personne. Ouais, c'est normal. Ben oui. Voilà, donc ça m'a... C'est... Je trouvais que c'était... Et du coup, tu leur dis de rien changer. Ah bah changez rien, les gars. Ah ouais. Ah bah non, surtout okay. Pas. Changez rien. Ok, bien joué, les gars. Bravo. Je te laisse la dernière news. Ah ouais, puis ils ont même essayé de faire carrément les photos. Ah, les mêmes photos. Ah ouais, quasiment. Hein. Ah ouais. Ah, c'est vraiment... c'est du travail d'investigation. C'est tout à fait. C'est la même, là, c'est au même endroit. C'est pareil. Puis là, même cadrage et tout, c'est là. Via sa page Facebook, on apprend que Grease Soaker sera sur la scène du Hellstage cette année. Et qui est cette personne ? Un artiste d'accordéon métal, voilà. Ouais. Est-ce que tu connaissais ? Non. Est-ce que tu avais vu la news passer ? Je ne crois pas. En fait, il y a carrément sur sa page, au mec, le... comme une pub Hellfest, enfin l'affiche avait marqué, voilà, il y a lui dessus, donc c'est vraiment officiel, quoi. C'est d'accord. Pas un bruit de couleur. Ouais. Donc c'est sympa, on peut essayer de creuser un peu partout. Ben, alors, j'ai pas encore été trop écouter l'accordéon métal. Grease Soaker. Bah, on était bien tombé par hasard sur le violoncelliste Nude Metal. Ah, je ne l'ai pas vu, moi, lui. Tu l'as pas vu ? Jamais vu. Il était en haut, sur la City Square. Vous me l'avez dit. Ouais. Dit et répété. Il est là ! Et j'ai jamais vu. C'est con, j'aurais dû le filmer ou prendre une photo. Bah ouais, ou lui demander un autographe. Bah non, parce qu'il était en haut. Bah, tu lui demandes quand même. J'aurais sur une boîte de papier. Ouais, tu lui jettes un truc. Autographe ! Ouais. Tu vois ? Ouais, pas au con, ouais. Ah, bah, la prochaine fois, je ferai ça, tiens. Fais t'autographe. J'improviserai un truc. Bah oui. Nickel. Donc voilà, c'est malheureusement toutes les news, le peu de news qu'on a. Ouais. Ah si, on peut revenir à un truc qui n'est pas vraiment une news, mais on avait dit qu'on décrypterait la vidéo Hellstat. Comme on a eu 15 jours, on peut dire qu'on a eu le temps, donc je suppose que tu l'as fait. Pff, complètement. Voilà. Donc je vais... Tu me connais. Te connaissant, je vais le dire à... Ça sert à rien qu'on soit deux à dire la même chose. Non, c'est sûr, vas-y. Pas... Donc, en 2019, ce n'est pas moins de 160 groupes qu'il y aura. Mmh. C'est ce que dit la vidéo. Ah, d'accord. Il y aura 78 nouveaux groupes comparés à 82 en 2018, soit 48% de nouveaux contre 53 en 2018%, bien entendu. Ouais. Ça sera... Hein, 53-48, ça colle pas. Je sais, non mais c'est... Ah oui, d'accord, excuse-moi, autant pour moi. Ça sera le 7e passage de Slayer et le 6e de Cradle of Filth. Oui, mais à noter que ce sera le dernier aussi de Slayer. Ça sera le dernier de Slayer, mais pas que. Ce sera le dernier, normalement, de Kiss, normalement de Manowar. Sûrement le dernier de Lynyrd Skynyrd aussi. Ben oui, peut-être de ZZ Top. Ouais. Donc, d'ailleurs, qui est dit dans la vidéo aussi, donc je voulais un peu dire. D'ailleurs, les trois groupes les plus vieux, donc Lynyrd Skynyrd, Z-Top et Kiss, ont respectivement commencé en 64, 69 et 73. Ils ont 372 ans. C'est pas vrai. Il y a cinq groupes formés en 2018 et un en 2019, Last Temptation, dont on attend le premier album Last Temptation, sauf qu'on avait déjà dit que la dernière fois que c'était pas vrai. Il y avait deux autres groupes au moins. ouais, voire, c'est vrai, voire peut-être 3, qui avait sorti un album, un premier album en 2019. Il y aura 22 pays représentés, pareil qu'en 2018. C'est beau. 19 groupes viennent de Scandinavie contre 27 en 2018. 56 groupes vont venir des États-Unis contre 51 en 2018. 27 groupes vont venir de France contre 28 en 2018. Bilan, Europe 87 groupes, Amérique 61 groupes, Asie, Océanie 7 groupes. Ce qui fait un total de 155 groupes. C'est pas rien. Pour un total de 698 musiciens, mais seulement 19 femmes, à savoir 2%. Ah, c'est nul. La parité, là, par contre. Là, ouais, non, là. Surtout que dans la vidéo, il montre bien plusieurs groupes féminins qui ont sorti des albums là, qui auraient eu tout à fait leur place. Ouais. Dans les genres de musique représentés, 20 groupes de death, 16 groupes de black, 8 groupes de hard et 8 groupes de trash et 45 groupes de sous-genres différents du métal. Voilà un peu ce qu'on peut apprendre dans cette vidéo. D'accord. Donc c'est pas mal. Je suis pas sûr de tous les chiffres, vu qu'apparemment il y a des trucs qui collent pas. Mais bon, ce n'est pas si mal. Passons maintenant à la nouvelle rubrique. Une rubrique que le monde nous envie, qu'on nous a réclamé de par les réseaux. Alors, quand est-ce qu'elle arrive? Quand est-ce qu'elle arrive? La rubrique Knotfest. C'est vrai que j'ai été obligé de désactiver les notifs parce que... Entre ça et tous les gens qui voulaient parler de black metal après notre dernière demande. C'est ça, ouais. Non, d'ailleurs, c'est... je voulais le faire dès le début de l'émission pour dire hey, n'hésitez pas à venir nous. Mais bon, trop tard. Bah, n'hésitez pas. Hein, voilà. Non, voilà. Donc, du côté de chez Knotfest, comment ça se passe bien? Donc, petit rappel, le Knotfest, première édition en Europe, en France, à Clisson, qui s'associe au Hellfest pour, dès le jeudi soir, nous proposer 10 concerts, 5 groupes européens, 5 groupes américains. Avec en tête d'affiche, bien sûr, Slipknot. Toujours 75% des places vendues seulement, les dernières places traînent à partir. Je suis toujours surpris de ça. Et on a donc décidé de revenir sur un groupe par semaine, 10 groupes, 10 semaines, vu notre... oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Donc, on, hein, bon, pas dit qu'on n'en saute pas un ou deux. Donc, cette semaine... Cette semaine, le premier groupe sera donc Amaranth. Dommage. Qui est un groupe que je crois que tu as beaucoup aimé. Bah ouais, j'ai carrément adoré. Ouais. Donc... Très bonne surprise. Amaranth est un groupe de power metal suédois originaire de Göteborg qui mêle... C'est pour ça les Suèdes. Ah, c'est ça, les Suèdes. Qui mêle des riffs de death metal mélodique à des refrains pop pour un résultat assez aléatoire. Ah oui, c'est totalement aléatoire. Formé en 2008, le groupe se démarque par le fait qu'il comporte deux chanteurs et une chanteuse au timbre de voix tous bien différenciés. Ça, c'est vrai. Oui. Là, jusqu'à là, d'accord. Le 12 février 2012, le Bound remporte le prix de la meilleure percée de l'année 2012 au Bandy Award de Stockholm. Ah ouais. Ouais. Souvent classé dans le mélange death metal pop mélodique, Elise Ride, la chanteuse, explique qu'il s'agit de dance metal saupoudré de death metal et metal mélodique moderne, avec un choix de thème positif contrairement au death metal. Le groupe a sorti 5 albums, autant de pépites que de perles, et bien sûr, nous ne saurions vous conseiller de jeter une oreille sur ce groupe pour vous faire un avis. Ou alors, on laisse Bob en parler et dire ce qu'il en a pensé. C'est de la merde. Voilà. Alors, oui, mais c'est quand même beaucoup plus facile à écouter qu'à regarder. Alors oui, ça par contre, on peut pas retirer ça. Voilà, c'est-à-dire... Déjà qu'à écouter, c'est atroce, mais alors à regarder, c'est pire. Alors, moi j'ai quand même écouté trois albums en entier, trois ou quatre albums en entier, et je n'ai pas pris de plaisir du tout, j'ai vraiment pas du tout aimé. Alors c'est vraiment pour le coup dance metal, ça, ouais. Ah oui, oui, oui. Dance, c'est... Bah écoute, je pense qu'il en faut pour tout le monde. Hein. C'est ça, le tout groupe à fait. Le groupe est en ce moment en tournée avec Powerwolf. Oui, c'est oui. Bah oui, j'ai vu ça. T'as vu ça? Ouais, j'ai vu ça. C'est amusant. Ouais, ouais. Les gens sont contents. Deux salles, deux ambiances. Voilà, c'est ça. Donc non, alors effectivement, hein, je pense qu'on peut ne pas arriver forcément à l'heure jeudi. Oui, voilà, oui. Après, voilà, c'est pas un très bon choix de groupe, mais bon. Pour notre part. Ah bah complètement pour notre part. Voilà. Donc voilà. Passons maintenant. Donc, c'était tout pour la rubrique. Hein. On va pas non plus arrêter 3 heures à marrante. C'est pas terrible, c'est pas terrible. Ça n'engage que moi hein, quand je dis que c'est de la merde. Hein. Ouais, moi, j'ai pas aimé non plus. Hein, mais bon, je suis la force tranquille de ce podcast, la personne réservée, celui qui ne prend jamais de décision. La tête pensante. Arrête. Donc, il y avait plusieurs albums à écouter cette semaine. En as-tu écouté ? J'en ai écouté. Ah, lequel était-ce ? Parce qu'en fait, quand je t'ai envoyé le message, moi, j'attendais une réponse pour me faire comme toi, en fait. Mais comme c'est pas... C'est-à-dire rien branler ? Bah non, mais tu... Et non, t'as dit ça, je le dis hors antenne, je peux oublier de t'afficher comme ça. Non, mais tu m'aurais dit, j'ai écouté tel ou tel album, j'aurais écouté tel ou tel... Bah oui, ça, on en aurait discuté. Bah, l'idée, en fait, c'était de tous les écouter. Ouais, mais c'est rare que tu le fasses, ça. Donc, je prends les devants, maintenant. Okay. Je me suis dit, il y a 3, il y en a 5 de marqués. Ouh là là, ça fait beaucoup. Déjà, un, je suis pas sûr. Bon, ça, je me suis pas trop enflammé. Alors, t'as écouté lequel ? J'ai écouté, en fait, le seul que j'ai pas écouté, c'est Papa Roach. Oh merde, t'en as écouté 4 ? Ouais. Putain ! Ah, bah écoute, je ferai le... J'ai quasiment fait dans l'ordre, en plus. Je reviendrai dessus la semaine prochaine, sur ceux que j'ai pas écouté. D'accord. C'est-à-dire les 5 ? Non, j'ai écouté... T'as écouté Soilwork, je crois, déjà. Oui. J'ai écouté Papa Roach aussi, et un peu John Garcia. Okay. Et un peu de Flotsam and Jetsam aussi, mais pas assez pour avoir un avis. Voilà. Ouais. Donc je t'en prie, vas-y, je t'écoute. Bah après, moi j'ai écouté les derniers albums. Bah c'est ça, oui. Ouais, ouais. Bah c'est de ça qu'on parle. Après, j'ai pas approfondi le sujet. Non, par exemple, Flotsam and Jetsam. Je les ai pas écoutés en entier. Ouais. Flotsam and Jetsam, j'ai pas. Bah moi, forcément, John Garcia. Oui. Ouais. J'ai noté quand même quelques petits trucs, hein, histoire de. Ah bah vas-y, nous t'en prions. Donc John Garcia, dès le premier morceau, il nous plonge dans l'ambiance un peu pour dire voilà ce qui vous attend, et que John Garcia n'est pas un vieux hein, sur le retour qui s'accroche désespérément à l'ancien succès de Caius. C'est vrai. Franchement. Non, là John nous offre un très bon album, voilà, de ce qu'il sait faire, un rockstoner bien chaud et poussiéreux, teinté d'un fuzz à l'énergie d'un V8 sur une Dodge Charger. Tu vois, truc qu'on voit. Quand ça tabasse. Tout ça accompagné de cette voix qui lui est propre et qui fait encore aujourd'hui son succès. Voilà. D'accord. Moi, je l'ai trouvé plutôt bon, cet album. Vraiment agréablement surpris. Ah ouais ? Ouais, ouais, franchement. T'as des bons petits passages bien fuzz. Et ouais, avec cette voix de Alan John, quoi. Ouais, qui très... Ouais, non, franchement, très, très bien pour moi. D'accord. Voilà. Bah, moi, le peu que j'ai écouté m'avait plu, mais j'ai pas écouté en entier, donc je serais d'en avoir un avis plus large la prochaine fois. Ok. Je t'en prie. Soilwork, donc ? Non, là, je suis sur Fever 333. Ah ! Je t'en prie ? Donc, comme je disais la dernière fois, j'étais assez curieux de voir ce que pouvait donner ce groupe sur scène. C'est vrai. Et du coup, maintenant, j'ai deux raisons qui me poussent à plutôt trop être curieux, en fait. Déjà, la première étant le fait qu'il passe en main stage. Ouais. Et ça, du coup, moi, c'est assez rédhibitoire, hein, la main stage. J'ai un petit peu du mal à y aller, surtout si c'est pas un groupe que j'ai vraiment envie d'aller voir. Mm-hmm. Comme par exemple Lamb of God, tu vois, c'est un groupe. Là, t'iras quand même. Là, j'irai voir. Voilà, je ferai l'effort d'aller en main stage. Pour, voilà. Et la main stage, t'en remercie. Bah, complètement. Et tous les ans. Hein. Et bah, du coup, la deuxième raison, c'est Fever 333. Ah, tiens. Oh, bah. Voilà. Alors, moi, je crois me souvenir, il y a peu de temps, que tu avais dit « Ouais, non, mais, non, attends, mais ouvre ton esprit. » J'ai dit que j'étais curieux de voir ce que ça pouvait donner sur scène, parce qu'il y avait une certaine énergie. Oui. Mais là, j'ai écouté le dernier album. Mm-hmm. Voilà. Bah, c'est le seul, d'ailleurs. Bah, ils ont fait un... C'est pas un EP, c'est un 8 titres, donc ouais, c'est quasiment un album. Et donc, alors, ce dernier album ? Musicalement, je n'ai rien contre ce qu'ils font, mais c'est sans moi. J'ai eu l'impression d'entendre une version énervecore de 21 Pilots et de Linkin Park sur un fond de hip-hop électro. Mais moi, c'est ce que j'ai entendu, moi. Voilà. C'est... Donc, j'avais peut-être entendu des extraits de l'album. Mais... Non, mais je pense qu'il y a aussi le côté Arekim Prota qui m'a un petit peu... Ah, mais... Voilà. Mais, Parce que je ne comprenais pas du tout. Moi, j'ai dit, mais c'est pas bien. Enfin, j'ai pas aimé, moi, donc vraiment pas, donc... Oui, mais après, je peux aimer des choses que t'aimes pas. Mais là, oui, non, mais après, en l'occurrence, est... ce que j'ai écouté sur le dernier album, c'était long. Puis il y a des morceaux que j'ai été obligé de zapper parce que j'ai trouvé ça. Voilà. Donc, pour ma part. Parce qu'il y a un côté quand même très électro, hein, quand même. Dans les... Ouais, ouais, ouais. Et puis il y a un côté aussi, je sais pas, une espèce de pseudo-nostalgie du côté mainstream, très chant clair, où c'est chanté, un peu pareil la boys band, mais à la Linkin Park, quoi, justement. Tu m'as où c'est... convaincu, j'irai l'écouter. Ah, j'irai l'écouter quand même pour dire. Ah bah oui. Mais voilà. D'accord. Mais c'est pas que c'est pas bien, mais c'est, non, c'est pas ma cam, quoi. Ouais, voilà, c'est pas ta cam. Mais il y a quand même une certaine énergie dans certains morceaux. Tu vas retrouver des passages très punk et très, très, très bons, mais c'est assez rare comparé vraiment au côté électro, hip-hop et nerfcore, tu vois. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est pas... Disons que ça fait combien, là ? C'est un 10 titres, je crois, qu'ils ont sorti. Ça fait 18 titres en tout, sur 18 titres, et... Moi j'en ai retiré quoi, peut-être deux quoi, donc ah, ça fait peu, hein. Ça fait peu, donc voilà. D'accord, très bien. Quoi d'autre après? Après, j'ai rien noté, mais j'ai d'accord. Écouté bah Soilwork. Alors, Soilwork, que dire, c'est toujours pareil. C'est ce côté chant clair, moi, que j'ai du mal. Mm-hmm. J'aime beaucoup le chant plus, pas clair, plus vénère, hein, ouais. plus guttural. Musicalement, c'est propre. Ça reste un death metal mélodique, c'est on va ça, dire, ouais. qui est plutôt propre, hein, qui vient de Suède. De l'intérieur. Ouais. Oui, de... Ouais, c'est ça. Qui nous vient du nord, hein, oui. Voilà, là où il fait très froid. Ils se démerdent bien, les mecs. Hein, non, crois, non, c'est propre, en tout cas, voilà. C'est très, très propre. Que dire, j'ai pas adoré, j'ai pas détesté. Il est passé comme ça. Ouais, il est passé comme ça. C'est un bon album. Bah, alors moi. Mais sans plus, quoi. De ce que j'ai écouté, je l'ai trouvé hyper homogène comme album. C'est-à-dire, je l'ai trouvé très bien sur la totalité. Tout bien. Enfin, j'ai trouvé tout pas ouf, mais bien. Oui, voilà. En fait, par rapport à ce que j'aime de Soilwork, c'est loin d'être les chansons préférées. Mais je trouve que justement, par contre, c'est peut-être le plus homogène. C'est-à-dire, du début à la fin, tout est bien, pareil. Il n'y a pas eu de grand moment où j'ai fait « Ah ouais, ça c'est trop bien » ou « Ah ouais, ça c'est trop nul ». Non, je suis resté sur le même sentiment, un sentiment agréable, mais pas ouf, ouais. Pas méga passionné. Et je l'ai plutôt apprécié comme tel. Mais ce qui m'a en fait... Le seul point qui m'a peut-être un peu déçu, c'est qu'il avait été annoncé par les membres du groupe comme étant l'album le plus sombre à ce jour. Donc c'est sûrement dans les paroles. Parce que musicalement, je ne le trouve pas sombre du tout. Pas du tout, non. Donc je dirais même pas que c'est le plus sombre musicalement de ce qu'ils ont pu faire, mais il est agréable, facile d'écoute, il passe bien, mais il n'y a pas le morceau qui déchire tout, il n'y a pas le truc qui déchire tout, mais il est bien du début à la fin. Voilà. Il est pas décevant, ouais. Mais il n'est pas non plus génial. Bien au contraire. Voilà. Et Flotsam and Jetsam, alors ? Je ne connaissais pas du tout ce groupe. Je connaissais vaguement, parce que le premier... Le bassiste est parti, voilà. Chez Metallica, c'est ça. Je connaissais un petit peu. Ouais. Mais alors non, je ne connaissais pas du tout. Bon, j'étais assez agréablement surpris par l'écoute de cet album, qu'un petit trash, ouais. Speed metal, trash metal, que pas dégueu. Moi, je trouve ça plutôt sympa. La voix, ils partent pas du tout dans les aigus, trop dégueulasse, non. Avec des petits cris qui sont là pour me déplaire, au plus haut point quand c'est le cas, mais là, pas du tout. Non, l'album est bien passé. Après, j'ai pas retiré de morceaux plus qu'un autre, ou peut-être à la réécoute. Après, t'es pas un gros trashot non plus. Je suis pas un gros trashot, non, ça c'est sûr. Mais j'aime bien le côté speed metal, ça me déplaît pas, donc je pense que j'irai peut-être le réécouter, ouais, pour faire un avis un petit peu plus objectif, quoi. Puis peut-être découvrir un peu ce qu'ils ont fait avant aussi, quoi. Bah non, ils existent depuis un moment. Donc, bah c'est ça, en fait. Moi, ce qui m'a le plus surpris quand j'ai écouté, c'est que je m'attendais à un truc qui sonne un peu plus vieillot. C'est comme un groupe qui n'aurait pas évolué, bêtement. Et en fait, écouté passe très très bien. Ouais, donc, la prod est bien. Hein, pas... Ah non, non, non, c'est pas mal. C'est, ouais. Pas mal. Ah, mais j'irai donc l'écouter entièrement. Pour. Du coup, il ne me reste pas Paroche, mais... Ça va être dur. Hein. Là, du coup... Donne-toi le temps, il va. Ça fait longtemps que j'ai pas écouté de Papa Roach en même temps. Ah bah là, tu vas être surpris alors. Ah ouais. Ah ouais. Vraiment. C'est quoi? C'est calme. C'est. Oui, c'est calme. C'est oui. Bon, alors je dirais oui, c'est calme. Mais en fait, moi, j'aimais bien Papa Roach au début parce que ça s'est goupillé avec la période où j'écoutais du nu metal et tout ça. Donc ouais, à ce moment-là, donc ça allait. Pas de runner à tout le bordel. Donc ça allait et C'est pas ma partie préférée de Papa Roach, clairement. Après, tu vois, là, j'essaie de m'en souvenir, je m'en souviens pas. Donc, Ouais. Mais ouais, non, il y a peut-être deux, trois trucs à creuser. Donc moi aussi, j'en reparlerai mieux la semaine prochaine. D'ailleurs, j'ai pas vu s'il y avait d'autres sorties d'albums à venir. Donc, nous vous tiendrons bien sûr au courant. On ira fouiller ça. On passerait-il pas aux chroniques ? Tu crois ? Tu commences ou je commence ? Vas-y, vas-y. Alors, je vais commencer par Wada, qui passe le samedi en Temple. C'est un groupe de black metal mélodique originaire de Portland, formé en 2014 par deux ex-Infernus, ce qui tout de suite te parle. Oui, oui, oui. Merci. Leur premier album sort en 2016 et deux ans plus tard, soit 2018, une suite arrive qu'on appelle également un second album. C'est ça. Voilà tout ce que j'ai à peu près à dire sur la story du groupe. C'est un groupe donc de, comment on appelle ça, de black metalleux à cagoule. Ah, ils ont la capuche. Ils ont la capuche. En vrai, ça m'a pas du tout dérangé à écouter. Ouais. Je me suis fait la réflexion de base en me disant, tiens, mais c'est un groupe américain. Et j'avais pas trop de repères d'autres groupes de black metal américains dans mes faibles connaissances. Donc je me suis dit, tiens, et j'ai pas remarqué spécialement que ça sonnait différemment parce que je suis encore une quiche en black metal, hein, donc faut le dire. Ouais. Mais ça m'a pas du tout dérangé. Ça passe plutôt bien. Une fois que t'as accepté que le chant black metalleux était tel, le reste passe. Non, mais musicalement, ça passe. Ouais. Musicalement, ça passe. Ça m'a pas du tout déplu. Et c'était pas mal. Ils sont peut-être un peu poseurs dans leurs clips que j'ai pu voir. Bon, c'est le côté capuche. Et j'aurais tendance à me dire que... Non, merci. J'aurais tendance à me dire que j'irai pas forcément les voir, mais si je passe devant et qu'il n'y a rien là, j'irai sûrement jeter un œil pour voir comment c'est. J'irai peut-être pas quand même acheter un album. Mais vraiment, ça fait partie des groupes que je pourrais écouter sans que ça me dérange. Parce que musicalement, ça apporte autre chose que juste du black metal. Je trouve que c'est, ça se limite pas. Ouais, en fait, c'est surtout là-dessus que j'aurais dû insister, c'est que souvent, je trouve que le black metal, moins maintenant, mais a tendance à musicalement à faire une prod un peu dégueulasse en disant on est des trous, on est machin. Donc, moins maintenant, j'en suis conscient, je veux pas non plus forcément faire une généralité. Et eux, ils arrivent avec leur son à eux, leur prod à eux, et ça passe plutôt bien. Donc après, c'est vrai que le chant typé black metal vient nous rappeler que ça en est, mais ça pourrait ne pas en être si tu le sais pas. Enfin, tu vois ce que je veux dire ? C'est plus ce que musicalement, ouais, quand t'écoutes, et après tu te rappelles que ah oui, d'accord. Ouais, il y a des efforts de fait au niveau. Au début, après vraiment, tu étais vraiment sur du black metal pur, ouais, et dur, mais c'est pas, ça m'a pas gêné. Voilà. Hein ? Voilà. C'était Wada. Uada. Et il passe le samedi sous la Temple. D'accord. Donc voilà. Ok. Ouais, content de le savoir. Oui. Si on passe. Non, voilà. Mais après, ça m'a pas dérangé. Il y a des groupes qui m'ont dérangé, celui-là, non. D'accord. Voilà. Voilà. Non, mais c'est arrivé qu'on passe. C'est qu'on prévoit de voir un groupe, mais qu'on passe à côté d'un autre et qu'on s'arrête. Ah, clairement, oui, je pourrais m'arrêter, ouais, vraiment, clairement. Donc voilà, ouais. Ouais, vraiment. Il y a ce côté-là aussi, quoi. Ah, oui, mais c'est. Puis je. Tu sais, il y a aussi ce côté-là, une fois que tu sais et que tu dis ah, cagoule. Moi, j'y vais. Ueda. Enfin, capuche plutôt, ouais. Voilà. Puis américain, et puis différent, voilà. Ok. Voilà. Ouais, c'est... Bah merci. Bah de rien. C'était super gentil. Je te ferai écouter après, tu verras. Toi, tu vas kiffer. Ouais. Tu me diras, voilà. Eh bien, pour ma part, comme j'aime à le dire, je vais parler de. Enfin, je vais parler. T'as bien grand mot. Dream Theater. Ah ouais. Oh, la choune. La choune. Comment ça? La chance. Pourquoi? Bah, tu vas parler d'un grand groupe. Merde. Ah bon. D'accord. Alors pour ma part, hein, je suis pas fan du tout. Hein. Mais voilà, c'est un groupe américain de metal progressif, de rock progressif. Progressif. Ah ouais. Bon. Ouais, ils sont assez progressifs, ouais, comme mec. Oui, c'est vrai que c'est un peu. En activité depuis 85, quand même. Quand même. Non, c'est pas genre c'est le pas genre petit groupe qui débute, quoi. Ouais. Au début, ils avaient un autre nom qui s'appelait Majesty. Voilà. Bon, ça a duré un an, hein, 85 à 86 en fait. Et c'est déjà ça. Hein. Donc voilà. Après, bah, voilà, c'est un groupe de métal progressif américain, originaire de Boston, dans le Massachusetts. Eh, moi aussi j'ai du Massachusetts. T'as dû m'acheter tes chaussettes aussi, toi ? Ouais. C'est rigolo, ça. Mm. Donc, le groupe est actuellement composé de John Petrucci à la guitare, John Myung à la basse, Jordan Rudess au clavier, Mike Mangini à la batterie et James Labrie au chant. C'est vrai. C'est vrai ? C'est vrai, c'est ça. Cool, ça fait plaisir. Donc voilà, que dire de plus, mis à part qu'ils ont un sacré paquet d'albums. C'est vrai, aussi. Donc voilà, il y a une bio pas possible, hein. Ils ont fait plein de trucs pendant plein d'années. Hein. Forcément, ça reste un groupe très connu. Moi, je connais, c'est que de nom, à la base, j'ai écouté très très peu de morceaux, on va dire, même de quelques secondes. Hein. Oh, putain, j'en ai écouté moult, ça. Ah ouais ? Ouais. Ah, tu pourrais en parler carrément bien, en fait. Non, non, t'aimes pas forcément. T'aimes bien ou... Mais, bah non, j'attends de voir... Que toi, ah non, mais moi j'ai pas apprécié du tout. Quoi. T'as écouté quoi ? J'ai écouté un peu de tout en fait, j'ai été en aléatoire, j'ai vu pas mal d'albums. Quoi. Ah d'accord. Bah ouais, non, ça me parle pas du tout. Quoi. Ah bah écoute, c'est possible. J'accroche pas du tout, quoi. C'est, je sais pas, c'est trop, trop opéra, trop un peu. Je sais pas. Ah bah c'est progressif en même temps. Hein. Ouais, c'est ça, mais moi je suis pas déjà à la base la prog, ça me parle pas spécialement. Oh, donc, oh. Je ne suis pas un fan de progressive, mais il y a des trucs que j'aime bien chez Dream Theater. Y a un album, bah, comme je t'avais dit, celui où ça commence par une intro et ça fait toute une histoire. Pendant tout... J'ai oublié le nom, hein, donc venez pas me défoncer dans les commentaires. Ou si, venez, après tout. Ouais, bah ouais, ça changerait. Et tu peux l'écouter. Vraiment, tu as une intro au début parlée. Hein? Ça part un truc, t'as des petits moments entre deux qui viennent accompagner les chansons, et à la fin ça se termine, et t'as vraiment. Le truc commence par Close Your Eyes. Et tout. Et non, il y a des trucs, il y a des vrais morceaux, puis t'as des morceaux vraiment catchy metal qui envoient quoi. Manu ? Catchy, oui, Manu catchy. Mm. Moi, j'aime bien Dream Theater, pourtant, je trouve qu'ils ont des bonnes fulgurances des fois et des moments où il se passe rien, parce que le problème du progressif, c'est que si t'adhères pas, t'as juste l'impression d'entendre des musiciens qui s'amusent et t'es hors du truc à les regarder. Ça doit être ça, moi, je crois, mon problème. Non, mais je vois ce que vous faites, les gars. Je vois, vous enchaînez les gammes, c'est cool, mais franchement, je m'en branle. Voilà. Ça peut être ça, après, mais parce que musicalement, après, des fois, il y a des moments, je trouve ça hyper épique et tout. Ah ben, moi, j'ai un gros problème, justement, avec... Le côté la musique épique. Ouais, mais la musique épique, oui, mais pas quand un moment, tu sais, pas quand c'est une chanson qui est emmenée vers ça, tu vois. Pas une chanson épique, j'aime pas, mais quand il y a des moments épiques dans un truc. Ah oui, juste des passages, ouais. Ouais. Non, c'est pas... Après, non, je suis d'accord. Le côté, y a un petit côté opéra, en plus, des fois, c'est un peu fait comme ça, de cette manière-là chez eux, donc c'est vrai que ça peut un peu... Mais c'est vrai que si de base, t'es réfractaire au truc... Je suis pas réfractaire, hein. J'ai essayé hein, d'écouter... Mais ouais, non, la prog, franchement, ça me. J'arrive pas. S'il y a un truc qui. Tu vois, Y a pas de soucis, c'est pas grave. Non, mais je sais bien que tu vas me défoncer la antenne. Non, mais de toute manière, t'iras aller voir quand même. Oui, bien sûr. Ah, bon. Bah, j'ai bon. Déjà acheté 5 ou 6 albums. Donc, En attendant deux. Voilà. D'accord. Voilà. Ça me fait plaisir. Bah, écoute. Donc, point d'autre chose à en dire. Bah. Tu passes ton tour. Bah là, oui, je passe mon tour. C'est pas grave. C'est pas grave, mec. Chance, Loubi. Eh bien, moi, je vais passer à Carpathian Forest, qui d'accord. Passera dimanche sous la Temple. Tu te souviens, parce qu'on disait, hey, je connais pas ce groupe, moi non plus. Ah ouais ! Excellent. Alors, Carpathian Forest est un groupe de black metal norvégien, ce qui n'est pas si original que ça. Originaire de Sandnes, dans le comté de Rogaland, le groupe... possède un style qu'il qualifie de misanthropique black metal. Oui. Écoute, pourquoi pas. Formé en 90 sous le nom de Enthrom par Roger Nattefrost Rasmussen, un homme qui estime que l'être humain ne serait qu'une charogne bonne à exprimer son malheur et sa futilité par des pets. Par des pets, des flatulences ? Oui. D'accord. Bah écoute, oui, c'est une vision de la vie, de l'être humain qui est assez intéressante. On pourrait écoute, éventuellement en parler autour d'un vin chaud. Je pense. Alors, je n'ai pas la date du changement de nom, mais le groupe développe depuis toujours un goût pour la provocation, que ce soit dans des visuels d'albums ou sur scène. Mmh. Par exemple, des danses de femmes obèses, âgées et nues. Le bassiste lui-même a tendance à s'afficher nu. Et il est un peu dégueulasse. Depuis la sortie de leurs deux premières démos, le groupe a acquis un statut de groupe culte aux yeux des amateurs de black metal norvégien, tout comme leurs voisins Dark Throne, Satyricon ou encore Burzum. Comme ouais, quoi bah Burzum, putain la vache, ça fait ouais. longtemps que je n'ai pas entendu ce mot. Non mais tu vois, pour dire comme quoi... Ouais, ouais, ouais, non, complètement. Ouais. Une troisième démo, puis cinq albums plus tard, le groupe sort en 2006 Fuck You All, Kaputun Inano Est, qui indique pour le groupe un retour au black and trash metal. Le groupe devient inactif en 2009, mais reprend ses activités en 2012 lors de plusieurs festivals en Europe. En 2013, petit détour par Clisson, sûrement la bonne odeur de bière. Le groupe affiche une image provocante et s'attire les foudres de nombreux mouvements liés également aux thèmes abordés dans leur discographie, que ce soit le satanisme, l'antichristianisme, les dépravations sexuelles. À chaque album, son ambiance, et si au début le black metal se veut noir et mélancolique, il s'accélère par la suite pour retrouver une énergie punk. 3 démos, 5 albums, 4 compilations et live. Et c'est vrai, le groupe est vraiment black metal dans le début, mais après ça part sur plus punk, plus du black end trash metal. Et du coup, c'est super surprenant parce qu'il y a eu plein de passages musicaux que j'ai surkiffé moi. Donc j'ai. Comme quoi ? Ouais, j'ai plutôt bien aimé Carpathian Forest, c'est ça ? Oui. Carpathian Forest. La seule chose sur laquelle je ne me suis pas penché que je voulais faire, c'était sur le sens des textes. Pour aller un peu plus loin, parce que vraiment, comme apparemment, ils sont très réputés pour ce côté-là. Je regrette de ne pas avoir approfondi cette chose-là. Mmh. Mais musicalement, j'ai plutôt bien aimé, étonnamment. Vraiment étonnamment. Hein. Parce qu'en fait, au début, j'étais en mode black metal et tout. Puis il y a des passages, c'est pas black metal ça. J'ai putain, mais c'est stylé ça. Et tu sais, des trucs comme ça, en disant, putain, ça passe bien. Ah ouais. Donc, ouais, vraiment. Et puis. Alors, hors premier et deuxième album, après la prod est plutôt bonne et donc du coup c'est assez agréable. Bon, après, je te cache pas, t'as quand même vraiment des moments où tu retournes dans le black metal et là où moi je décrochais un peu, mais toujours un petit truc un petit peu trashy, un petit peu voilà, métal comme ça qui revient ouais, musicalement intéressant. Quoi. Ouais, enfin, moi qui m'intéressais, tu vois, une fois que tu dépasses un peu ce champ, même si des fois je me disais, ouais, franchement, c'est. Je me disais, Et le chant, c'est comment ? C'est outre-tombe, tel le black metal ? Alors, au début, plutôt black metal, et après, plutôt def, ça s'éloigne un peu quand même. Donc, tu peux vraiment... trouver ton compte, quoi. Bah, surtout, ne pas te dire que c'est du black metal. Quoi. Vraiment, tu peux être faire, oh, tiens, c'est surprenant, quoi. Je pense que tu pourrais piéger quelqu'un s'il ne connaît pas, vraiment. Ouais, ouais. Donc, tu vois, entre un black qui frisote à gauche et un def qui va un peu à droite, ouais. Peut-être que la frontière est un peu fine et que du coup... Mais voilà, donc du coup, un groupe que j'ai trouvé plutôt intéressant à écouter musicalement, ouais. Même si j'avais un peu de mal à imaginer que ça allait avec une imagerie bizarre sur scène, enfin, dans le côté... vu que tu sais que c'est du black metal, tu dis ouais, ça peut aller, mais le mélange musical, je me dis, ça doit être chelou à voir sur scène. Donc je pourrais aller jeter une oreille pour le côté, pour voir par mes propres yeux. Ok. Voilà, donc même si, comme s'il est formé en 90, 28, ouais, ça fait un petit moment, donc ils ne doivent plus être tout jeunes les mecs. Donc, Mais bon, pourquoi pas. Ouais. Je serais assez curieux de voir ce que ça peut donner sur scène, et ça dépend après aussi de la setlist, ils mettent que des trucs de black metal, je vais peut-être plutôt m'ennuyer, mais ouais. Pourquoi pas, je serais curieux de voir ce groupe. Voilà. Ok. J'irai pas jusqu'à acheter un CD, mais je pourrais en réécouter. Même si tout n'est pas bon, hein, tout, oulala. Oui, oui, oui. Bah voilà, oui forcément. Si vous... C'est un peu comme beaucoup de groupes, hein, je veux dire, après, il pas... Oui, ça dépend. Ça dépend des groupes, mais c'est ouais, sûr. Ouais. Voilà, ça fait donc, quand même voilà, une bonne vingtaine d'années qu'ils existent, donc forcément... Oui, non, mais il n'y a pas eu beaucoup de publications, sur justement, il y a eu 5 albums. Hein, donc, ouais, bah, c'est des mecs qui... travaille lentement. Bah ils ont été pas mal inactifs à certains moments. Donc d'ailleurs le dernier album, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il est 2006 le dernier. Ouais. Donc ça fait un petit moment quand même. Mais là ils ont ressorti un peu du nouveau matériel, donc ça pourrait revenir incessamment sous peu. Ok. Voilà. Bah moi je vais parler de Phil Anselmo. Oh. And Hill Gold. J'avais oublié que t'avais ça. Moi aussi, j'aurais bien aimé oublier, mais... mais je n'ai pas le choix. Et non. Voilà. Phil Anselmo, c'est un projet qu'il a eu. Un projet, un seul? Oh, arrête. Non, c'est pas. C'est un projet qu'il a eu, j'imagine, vers les années 2010 et quelques, hein, parce que leur premier album date de 2013. Donc voilà, hein, c'est un groupe américain. Jusque-là. Hein, jusque-là, rien de bien Surprenant. surprenant. Que dire? C'est du. J'ai vu un sludge doom avec un mélange de sur le nouvel album de black metal. C'est ultra compliqué à comprendre ce qu'il fait. Ouais. Avec, du moins, avec The Illegals. Hein. Ouais. C'est assez. Comment dirais-je? Inaudible. J'ai pas tout compris. J'ai pas compris le chemin. Là où il voulait en venir, Ouais, hein. t'as pas vu Là, la lumière. j'ai pas non plus trouvé le début. Enfin, j'ai trouvé le début du morceau, mais j'ai pas trouvé la fin des morceaux. Donc des fois, tu squeezais d'un morceau à l'autre. Bah, en fait, non, j'ai écouté tout, mais je j'ai pas capté les Les entre-deux. enchaînements, d'accord. Voilà. Ça se ressemble beaucoup, en fait. Tous les, c'est ultra déstructuré. C'est un chant très braillard, black Ouais. metal, mais vraiment très violent. Mmh. Tu vois, il gueule, quoi. C'est vraiment. En colère, quoi. Il est très en colère. C'est pas d'aujourd'hui. Voilà. J'ai pas grand-chose à en dire, quoi. Autant D'accord. le premier album est un peu plus musical, tu comprends un peu mieux l'idée, que le dernier, c'est. Non. Ouais, j'ai pas compris. T'as pas compris. Pas compris. D'accord. Voilà. Quand j'étais occupé, donc à ce moment-là, je fais où? D'accord. Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête de m'occuper pour essayer de comprendre ou j'arrête la musique pour essayer de continuer mon occupation? Ah, c'est des vrais dilemmes, ça. Ouais, je sais pas trop en fait. Ouais, franchement, Non? je sais Oui. pas. Là, t'es Là, un peu je suis vraiment. Je crois que c'est la perdu. première fois que ça me fait ça, Ah, à ce mais point-là? ouais, parce qu'en plus c'est Phil Anselmo, donc je me dis, bah voilà, c'est un mec que je connais avec Down, que je connais avec Pantera, forcément, avec d'autres groupes, Superjoint aussi, un peu, mais là, franchement, Là, il t'a perdu. ouais, totalement, quoi. D'accord. Par contre, il a un nouveau projet qui est en 2017 qui s'appelle Bill and Phil. Je sais pas si t'as entendu parler de ça. Peut-être. Je j'ai pas En de j'ai fait, coupé mes notifs sur Robbie finalement. Il a un projet avec Bill Mosley. Je vois pas qui c'est. Tu vois pas qui c'est? C'est Non. Otis, Ah, dans The Bad j'ai Reject. c'est ce que j'ai pensé en Ouais. fait. Et en fait, ils vont faire un truc ensemble. D'accord. Musical. Donc voilà. D'accord. Donc, Bon. en plus de Skour, Superjoint, The Illegals, Down, Arson Anthem, je sais pas si tu connais. Non. Donc là, il avait Down, il avait aussi Viking Crown, Necrophagia, Christ Inversion. C'est un Bon. groupe de black metal. L'avantage, c'est bah, comme aussi. Hein. Non, Skoum, c'est du. Skour, c'est plus. Ouais, secours, c'est du arabe. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah ça, C'est ça. c'est ça. Ouais, non, que Christ Inversion, c'est vraiment un. Mais ça, en fait, ça a complètement. Ils ont enregistré trois morceaux et puis ça s'est arrêté quasiment aussitôt, quoi. Ça a pas marché. Necrophagia, ouais, c'est ça, quoi. Southern Isolation aussi. C'est un mec qui a pas trop arrêté, en fait. C'est un mec qui a pas Netflix, je pense. Non, je pense pas non plus. Mais voilà, quoi, c'est un mec qui ne s'arrête pas, hein, Phil Anselmo. Donc voilà, mais là, non, vraiment, avec The Illegals, là, je comprends pas. Bah, tu sais que tu attises ma curiosité en faisant ça. Hein. Enfin, Ouais. je me dis, ah, quand même, j'ai envie d'aller voir Je maintenant. comprends pas pourquoi il comprend pas. Tu sais Non, ça? ça, je me doute par contre. Parce que je crois que j'avais écouté l'album à sa sortie, moi. Hein? Et j'ai un vague souvenir de pas comprendre non plus, mais. Ah non, mais vraiment le dernier, là, Choosing Mental Illness as a Virtue, c'est. Ouais, en même temps, ça va bien avec la pochette de l'album, hein, c'est de la violence pure, hein, c'est aussi T'es bien pas psychologique perdu. que. Ouais, non, voilà. Bah, désolé, hein, de pas pouvoir. C'est pas grave, Hein. c'est pas grave. Hey, Mais là, t'as donné de toi, pouf! mec. Ouais. Très bien. Là, pouf! Bon, bah. Donc t'iras pas les voir? Ouais, je crois pas, non. Et t'iras pas acheter un CD non plus? Ouais, je crois pas, non. C'est pas... Bon, bah écoute. Oh là, j'en je perds. Je comprends pourquoi il a mis avec mec comme Get God, tout ça. Hein. Ah bah, oui, du coup, oui. Bon, alors, moi, je vais vous parler de Cannibal Corpse. Ah, tiens. Alors, bon, heureusement qu'on a eu 15 jours de... entre deux, là. Ouais. Parce que franchement, la première semaine, je crois, le seul truc que je t'aurais dit, et dommage, désolé pour les gens qui aiment bien, mais j'ai dit, l'ennui. Ouais. Cannibal Corpse, pour moi, c'était l'ennui. Vraiment, je j'ai jamais aussi vite décroché d'un groupe. Ah oui? Chaque fois que j'écoutais, c'était impressionnant. Je comprenais pas. Enfin, c'est bon. Repartons sur des bases. Cannibal Corpse est un groupe de brutal death metal américain originaire de Buffalo dans l'État de New York, fondé en 1988 par des gens issus de l'univers death, mais dont il ne reste plus que le bassiste Alec Webster et le batteur Paul Mazurkiewicz, de membres originels. Le groupe est considéré comme l'un des pionniers du Brutal Death. Mmh. Et en vrai, n'importe quel morceau que tu mets, t'es effectivement direct sur du Brutal Death. Mais pas... Après, je pense que j'ai un problème avec ça, avec le Brutal Death, c'est vraiment... T'as pas d'intro, t'as pas de mise en... Ah oui, ça enchaîne en direct. En perspective, hein. Ça rentre dans l'art direct. Ouais. Et le problème, c'est que comme c'est très linéaire, bah, je m'ennuie en fait. Mmh. Et à chaque fois que j'ai écouté, bah, je m'ennuyais. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu vois ? Ouais. Mais j'ai continué quand même. Parce qu'il y a quand même 14 albums, dont plusieurs réédités, 2 lives, 2 EP, une compilation, un coffret collector, 3 CD et un DVD retraçant la carrière du groupe. Et bien sûr, moult musiciens qui accompagnèrent toutes ces années. Par exemple, le premier chanteur et membre fondateur a été viré pendant l'enregistrement d'un album parce qu'il faisait aussi partie de Six Feet Under. Il est d'ailleurs encore le chanteur de Six Feet Under. Il a été viré pour ça. Bah, sûrement... Attends, ça, c'est pas le pire. Le guitariste Bob Rusé a également été renvoyé du groupe après qu'il se soit engagé comme instructeur de golf. Ouais, ouais. Dans le brutal, il y a des actes éliminatoires. Enseigner le golf, par exemple. Ah, j'ai eu peur. Et ainsi de suite. C'est genre, je m'attendais à un truc ultra violent. Non, le mec, il est juste instructeur de golf. Okay, voilà, après, ça, c'est ce que je tiens de Wikipédia. Hein. C'est peut-être que des gros trolls, mais en même temps, ça serait pas... Voilà. Ouais, mais ça m'étonnerait pas en voilà. Même temps. À noter que le groupe apparaît dans le film S. Ventura. Je pense que c'est là où tout le monde a au moins entendu une fois et vu Cannibal Corpse. En interprétant leur célèbre tube... Ça m'a fait un peu rire. Hammer Smash at Face, qui est effectivement leur tube, parce que ils ont vendu 1 million avec 2 albums, ils en ont fait 1 million. Ouais. Donc c'est un gros tube et le groupe est quand même assez connu. Et c'est Jim lui-même qui a insisté pour que le groupe vienne jouer, enfin en playback ce morceau quand même. Il a été jusqu'à décaler le planning de tournage. Le groupe s'est déplacé 4 jours, un jour aller, 2 jours sur place et un jour retour. Une expérience où ils ont été super bien traités et en plus qui leur a mis un putain de coup de projecteur sur le groupe. Parce que le groupe a vraiment, vraiment décollé grâce à ça. Et c'est Jim qui aimait tellement le groupe, ainsi que Carcass et tout. Il a discuté un peu avec eux et c'était un vrai fan apparemment. Quoi. Ah ouais, je connaissais l'histoire. Il connaît même les paroles et tout par cœur. Napalm Death aussi, je crois. Ouais, Napalm Death, Carcass et Cannibal Corpse sont des groupes qu'il aime beaucoup. Et du coup, j'ai réussi en allant d'un album à l'autre à trouver quelques morceaux qui me plaisaient bien. Donc moi, je suis déjà beaucoup plus... amateur de la comment dire, pas de la première partie, pas des débuts du groupe. Le premier chanteur, j'ai préféré le second. Le guitariste, bah, j'ai préféré l'arrivée de Pat O'Brien, celui qui a des problèmes avec la justice là. Enfin, oui. Donc j'ai trouvé là qu'il y avait déjà quelques changements plus intéressants, des un peu de changement de rythme, un peu plus de mélodie dans les trucs et un peu moins parce que c'est vraiment ça quoi. Dans l'art. C'est vraiment du... ils sont réputés pour ça. Ah, mais c'est que ça, quoi. Ouais. Donc, forcément, moi, bah, je décroche. Et après, Et le problème, c'est que dès que tu commences à décrocher, tu reviens plus, quoi. Même s'il y a des variations qui peuvent arriver par derrière, parce que en réécoutant, ça m'est arrivé d'en entendre, bah, le fait d'avoir décroché m'avait fait passer... voilà. Ouais. Et c'est vraiment des moments où je me suis dit, bon, je m'ennuie, là, quoi. Donc, vraiment, s'ennuyer. Mais pas que. J'ai réussi à aller plus loin pour voir d'autres choses. Mm-hmm. Mais en fait, je pense juste à la base, je ne suis pas fan de Brutal Death Metal et que c'est loin d'être assez mélodieux pour m'interpeller, moi. Ce n'est pas pour moi, je n'irai sûrement pas les voir. Même si je ne les ai jamais vus, même si c'est un groupe quand même ultra connu, ce n'est pas pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. J'ai vraiment essayé de... Je te jure, à chaque fois, j'ai essayé d'aller dans un album, puis je retournais après dans un autre, et je sais même plus au final ce que j'ai écouté de ce que j'ai pas écouté, mais voilà. Ouais. Ce n'est pas ma cam. J'ai déjà essayé Cannibal Corpse aussi, c'est vrai que c'est pas facile d'approche. Hein. Bah non, voilà. Non. Ouais. Donc, je pense que c'est plus facile de suivre le groupe quand t'es au début. Et tu oui. T'avances que là, de me replonger dedans, vraiment, c'était vraiment... Parce qu'il y a beaucoup à écouter. Bah, 14 albums. En fait. Ouais. Et puis vraiment, vraiment de voilà. C'est... Ah bah, ça bastonne, ça c'est sûr. Hein. Ça, c'est... Mais c'est moi, brutal. Moi, il n'y a pas assez de... Il n'y a pas assez de variation pour moi. Ouais. Désolé. Ne le sois pas. Écoute, je préfère l'être un petit peu quand même. Ouais. D'accord. À toi. Ok. Je t'en prie. Eh bien, moi, je vais passer à Refused. Ah, Refused. Ouais. Qui est un groupe suédois. Tiens donc. Eh ouais. Ma foi, t'y pas que c'est pas vrai. Bah si. Encore. Toujours. Non, mais ils sont balèzes, ces Suédois. Ils n'arrêtent pas. C'est un tout petit pays, mais... musicalement très actif sur la scène underground, bien sûr. C'est vrai ce que tu dis. Donc, qui est un groupe de punk hardcore, post-hardcore, rock expérimental, art punk. Et là, ouais, je rejoins bien le côté art punk. Hein. Donc, année d'activité de 91 à 98, mm-hmm. Petite pause, ils ont repris en 2012, ils se sont arrêtés en 2012. Et ils ont repris en 2014, et du coup, ils n'ont pas arrêté, en fait. Voilà. Ils ont signé chez Epitaph Records. D'accord. Une célèbre boîte. Pour les enterrements. C'est ça. Voilà. C'est les pompes funèbres, en fait. Les pompes funèbres Records. Voilà. D'accord. Non, mais qui ont signé des grands... Comme ah oui, d'accord. Ça. C'est ça que tu voulais... D'accord. Rancid, Melancholin, tous ces... Ah, tous ces gens-là. Voilà. Qui est d'ailleurs un groupe suédois aussi. Eh, c'est rigolo. Donc voilà, hein, Refused est un groupe de punk hardcore suédois originaire d'Umeå. Alors je ne sais pas si la prononciation est bonne, mais ça s'écrit Umeå. Je ne sais pas. De temps de son activité, Refused tenait une place imminente sur la prolifique scène du hardcore scandinave, connue pour leur ligne de conduite socialiste révolutionnaire, straight edge, et militante. Et leur combat en faveur des droits des animaux. Leur carrière est consacrée à la lutte contre les oppressions de toute nature. Toute nature. Voilà. Même la mer. Au travers de leurs paroles, leurs interviews et de leurs concerts intenses. C'est vrai. Voilà. Ils ont raté à cause de ça, justement. Trop intense. Ils ont oublié même des mecs qui ont été virés à cause de ça aussi. Parce que pas assez dans le truc. Quoi. Ah oui ouais. Ah, faut être d'accord. Ah ouais, fallait être dans le truc. Quoi. Ah oui, d'accord. Les mecs qui sont investis. Ah mais complètement. Donc voilà, après, j'ai écouté. J'ai trouvé ça tout à fait... Leurs premiers albums, on va dire, sont assez punk. Mm. Bon, ça reste bien punk. Je dirais pas hardcore, je dirais un punk. Hein. C'était pas... Il y avait rien de trop hardcore là-dedans. J'ai écouté les derniers albums, où là, oui, j'ai bien compris le art punk. Ah ouais ? Ouais. J'ai pas tout compris. Musicalement, j'ai pas tout compris. D'accord. Et c'est pareil, quoi, ils ont fait des espèces de... De remix ? Non, pas de remix. Ils ont pas mal de... Ils ont... Leurs deux derniers albums sont en version deluxe. Ouais. Et ils ont fait, si je me trompe pas... une démo compilation. D'accord. Avec 21 titres. C'est un peu mal. Voilà. Et ils ont fait une EP compilation. D'accord. Avec 23 titres. C'est pas mal. C'est... Voilà. Je sais pas, ils sont assez originaux dans leur façon de travailler, je trouve. Et ouais, c'est assez spécial d'écoute. Parce que t'as le côté punk, ok, mais je pense que peut-être le côté aussi revendication va aussi avec leur façon de travailler leurs morceaux. Mmh. Et du coup, ils essayent de faire un truc plus original que la norme. Mmh. Et je dirais que ça marche plutôt bien dans le côté original et complètement décalé de la scène punk dite classique. Ouais, ouais. Ouais, ils ont vraiment un côté très... très travaillé, art punk, vraiment, c'est... Là, je rejoins tout à fait le terme, que je ne connaissais pas, d'ailleurs. Mais je ne connaissais pas non plus, mais... Voilà. Mais ouais, ils sont un truc. Ils sont un truc, Refuse, pour moi, ça. Moi, j'ai écouté un petit peu et ça m'a bien plu ce que j'ai entendu. Ouais. Je trouve que musicalement, on sent bien l'énergie. Ouais. Je trouve ça, c'est un truc qui m'a... Je pense que c'est, ouais, c'est ultra marqué, sincère, hein, surtout ce qu'ils ont fait, ils ont, c'est ultra sincère. Après, je suis tombé sur un remix dans la playlist que j'avais faite. Je l'ai détesté. Mais le morceau normal, j'ai bien aimé. Et en vrai, j'ai eu envie d'approfondir le truc, quoi. Je me suis dit, ah, putain, ça bouge bien, ça, c'est vivant, c'est cool, quoi. Mais j'ai pas beaucoup plus écouté, donc je... Mais c'est un truc que j'ai trouvé sympa. Ouais. Et est-ce que tu irais les voir? Pourquoi pas? Ils passent où? Je ne sais pas, comme ça. Je pense qu'à mon avis, ils passent certainement en Warzone, hein, dans l'esprit. Bah, ils sont tête d'affiche, même, je crois. Sur la Warzone, oui, c'est possible. Oui, oui, bah, je vois le nom. Je crois qu'ils doivent être tête d'affiche. Tout à fait. Donc, pourquoi pas, ouais. Non, mais après, ouais. Ah ouais. Eh ben, on se croisera peut-être là-bas. Tu crois? Bah, déjà, faudrait. Ah oui, c'est... oui. Ah. Effectivement, faisons les problèmes dans l'ordre. On réglera tout ça plus tard. Voilà. Bon, je vais passer à mon dernier groupe, parce que je commence à me les plaire. Et puis, il est tard. Toutes ces choses qui nous ont retardés. C'est vrai. Godsmack, donc. Alors, fait amusant. Ce week-end, je faisais du rangement. Et je suis tombé sur un billet de concert qui était marqué Limp Bizkit with guest. Et les guests, c'était Godsmack, en fait. Moi, j'étais venu voir Limp Bizkit à Bercy. Et j'avais, tout ce que je connaissais de Godsmack, c'était un titre sur un sampler d'un rock hard de l'époque que j'avais détesté. Ouais. Très, très mauvais choix de titre, en plus. J'avais pris un de leurs morceaux qui n'était pas du tout représentatif. Donc, ouais, non, vraiment. Ouais. Et du coup, je m'étais assis dans les tribunes. Pour te dire, moi et mon pote venus pour l'occasion, on était en tribune. On dit, bah, le groupe de première partie, c'est Godsmack. Fait chier, on s'en fout. On était venus voir les Misfits. La lumière s'éteint, le groupe commence à jouer. Deux minutes après, on était dans la fosse en train de sauter partout. Et on a préféré normal. Ça. On a préféré ça à Limp Bizkit. Et c'est après ce concert et en me renseignant un peu sur le groupe que j'ai appris deux, trois choses que je ne savais pas. D'accord. Je vais revenir dessus plus tard. Enfin, je vais revenir dessus dans ce que j'ai écrit. Okay. Godsmack est un groupe de heavy metal, plus metal que heavy, moi j'aurais tendance à dire de l'alternatif, comme on dit. Américain, originaire de Lawrence dans le Massachusetts. Ah ouais. Mais ouais. Qui n'est jamais facile à prononcer. M'acheter chaussettes. Massachusetts. Ouais, c'est ça. C'est pas vrai. Le groupe, formé en 1995 par Sully Erna, qui après 23 ans de carrière en tant que batteur, décide de se lancer en tant que chanteur, guitariste, frontman charismatique. Parce que le mec est charismatique. Et ouais, il était batteur. Parce qu'il a une pendant 23 ans surtout, quoi. Ah, bah il a commencé. En 95. Bah il a plus de 50 ans maintenant. Punaise. Et ouais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ça marche. Ah oui. Non, mais oui, parce qu'il sur scène. Non, mais sur scène, il en voit. En plus, ils ont une part. Ils jouent sur scène un peu de batterie. Il y a d'autres batteurs qui sont chanteurs et guitaristes maintenant. Dave Grohl. Hey. Le groupe a sorti 7 albums studio, un album best-of, un EP acoustique, un album live et 4 DVD, pour un total de 20 chansons classées dans le top 10 et 15 dans le top 5. 4 Grammy Awards, meilleure performance instrumentale, meilleure chanson rock et meilleure chanson hard rock, un Billboard Award du groupe rock de l'année en 2001, quelques 20 millions d'albums vendus, et pour fêter la sortie de leur 6e album, le maire Mary Walsh lui-même proclame le 6 août le Godsmack Day dans la ville de Boston. Carrément. Mon gars, c'est un groupe qui pèse. Et c'est justement ce que j'ai découvert après le concert. J'avais acheté une VHS d'un live pour retrouver ce que j'avais vu sur scène. Et en fait, je comprenais pas, parce que dans le DVD, ils arrivaient en tourbus géant et c'était marqué « sold out » partout, alors qu'en France, ils venaient faire la première partie d'un groupe et personne ne les connaissait. Je fais « what ?» Donc les mecs étaient arrivés en France, tu vois, vraiment un peu inconnus, alors qu'ils étaient des stars déjà aux États-Unis. Putain. Donc c'était un peu fou le décalage de cette époque-là. Ouais, bah c'est ça. Hein, mais bon, voilà, tout ça pour dire que même toi, tu n'imaginais pas un tel succès du groupe. Pas du tout. C'est ça. Petit bonus, comme dans la vie, être un musicien, parfois, ça ne vous remplit pas totalement. Ça ne vous remplit pas totalement le quotidien. Sully a aussi écrit un mémoire sur lui-même, qui sortit le jour de son anniversaire. Oh bah. Et entre deux tournées, il aime bien aussi faire du poker, où il arrive quand même à se classer dans les 1000 premiers joueurs à des tournois et rafler des grosses, grosses sommes d'argent. Petit autre bonus, c'est un adepte de la religion Wicca, ou Wiccanisme, qui est un mouvement religieux basé sur l'ancienne religion païenne et redéfini par Gerald Gardner. La Wicca inclut des éléments de croyance tels que le chamanisme, le druidisme et les mythologies gréco-romaines, slaves, celtiques et nordiques. Ses adeptes, les Wiccans, prônent un culte envers la nature et s'adonnent à la magie. La Wicca est un culte à mystère. Les Wiccans sont pour la plupart voués à certains dieux comme Hécate, la déesse de la lune, etc. Il est pratiqué un peu partout dans le monde. Et c'est quelque chose dont il fait très peu écho de lui-même. Par contre, tu peux le retrouver pas mal dans ses chansons, surtout dans les chansons telles Voodoo et Voodoo 2. Des chansons un peu comme ça. J'ai vu un truc, il y en a de plus en plus. En ce ah bah, en plus, tu vois. Et donc, Godsmack, donc un groupe que j'ai bien aimé dès ce concert et donc ce deuxième album, parce qu'il venait faire la promo du deuxième album, qui a une putain d'énergie sur scène, qui a vraiment un style de métal qui est assez reconnaissable, parce que la moitié des titres est fait sur le même schéma un peu, mais ça marche toujours plus ou moins bien. Il y a une grosse section rythmique qui est mise en avant, qui plus est sûrement par son passé de batteur, mais au mixage, ça doit jouer. Et lui-même vient souvent pendant les concerts sur scène avec un petit kit de batterie, et ils font des duels de batterie à deux, et c'est souvent très très sympa, et le mec est charismatique, et c'est un groupe que j'ai bien aimé suivre pendant des années, que je suis beaucoup moins maintenant parce que ça s'est un peu atténué. Je tiens à rappeler aux auditeurs qu'on avait parlé du dernier album sorti soit en fin d'année dernière. L'année dernière, je crois. Ouais, fin d'année dernière, qui est devenu beaucoup plus mainstream. En fait, moi, je ne le sens pas comme plus mainstream, je sens comme l'évolution plus classique du groupe, en fait. Ça, c'est, voilà, il est plus... Plus posé, peut-être. Ouais, enfin... Ouais, il est plus posé, ouais, clairement. Mais il n'est pas non plus aussi... Je dirais plus vraiment comme... C'est le chant. Hein ? C'est le chant qui nous avait choqué, si je me rappelle bien. Ouais, ouais, ouais. Mais manque un peu moins d'énergie. Puis c'est vrai qu'un peu plus pour plaire, mais bon, ils sont déjà assez populaires, quand même. C'est ça, ouais. Mais bon, un groupe que je ne renierai pas à voir à nouveau sur scène, même si les derniers albums m'ont moins emballé. Et par contre, il y a vraiment, pour moi, le plus gros défaut de Godsmack, ça a toujours été le son guitariste qui, malgré qu'il est très bon, est totalement inerte sur scène. Il ne bouge pas. Il ne bouge pas du tout, alors que Sully est complètement fou, va dans tous les sens et se donne vraiment à fond. Tu vois, quoi, il joue sur sa guitare, il joue, il s'éclate. Le batteur aussi, c'est, je crois que c'est l'ancien batteur de Glicky Joe, mais je ne suis pas sûr, mais il se donne vraiment à fond. Et lui, il joue ce qu'il a à jouer. Il n'est pas très expressif. Ouais. Et ça, c'était déjà le cas à l'époque. C'est un grand timide. Sûrement, mais c'est un peu dommage. Après, voilà, c'est un groupe efficace. Toi, t'avais un petit peu écouté, t'avais bien aimé aussi. Ouais, ouais, ouais. Donc, non, j'aime bien, ouais, ça va. Bah, oui, c'est vrai que c'est reconnaissable, bah, ne serait-ce que par la voix déjà du chanteur. Déjà, ouais. Qui est très, très reconnaissable. Et puis, oui, par l'instrumentalisation de tout ça, de la prod et tout ça, ouais. qui est très reconnaissable. Il y a un côté un peu indus aussi. Hein, dans certains albums, on va dire. Je ne sais pas si tous les albums, je ne connais pas tous les albums. J'en connais deux ou trois. Bah, ils sont souvent... Enfin, ils se ressemblent un petit peu, les albums. Tu retrouves souvent les mêmes schémas, je trouve. Ouais. Ouais, mais... Et ouais, non, mais ça, c'est... l'énergie, hein, c'est un peu perdu sur la route. Enfin, c'est plus l'énergie, en fait, c'est plutôt le fait que comme c'est souvent la même formule, bah, ça surprend un peu moins, et donc t'es moins... moins content et que t'as un peu fait le tour, quoi. Mais ça me dérangerait pas d'aller les revoir sur scène en main stage pour voir ce que ça donne, si ça envoie du lourd ou pas. Ouais. Après, là, ça me dérange pas de réécouter, mais j'achèterai pas d'album alors que je l'ai déjà fait par le passé, tu vois. Donc, ouais. Mais c'est un groupe que je recommande quand même parce qu'il est efficace, très efficace. Ouais, je trouve qu'il y a un côté aussi un peu rock'n'roll, justement, très sur certains morceaux aussi, quoi, bien sûr. Après, comme je dis, je connais pas tout, je sais pas combien d'albums ils ont. Je l'ai pas dit. Je croyais que je l'avais dit. 7 albums. Ouais. Alors, petite particularité aussi, c'est que une fois que t'as vu le groupe en live, alors c'est souvent le cas, tu vas me dire ça avec soi, mais je trouve vraiment après les CD lents. En fait, comparé à l'énergie, j'ai l'impression qu'ils sont plus rapides, qu'ils sont plus intéressants. Plus énergés, quoi. Ouais, bon, alors c'est juste visuellement, mais je trouve que. Ça va, ça bouge un peu plus, et que des fois je sens que ça en manque un peu sur CD. Ah les gars, lâchez la patate quoi. Ouais. Mais après, est-ce que t'as essayé de regarder les lives en fermant les yeux? C'est pas faux ce que tu dis, je devrais faire ça. Ouais. On pense jamais à ce genre de petits détails. C'est ça. C'est ça. Voilà, je vous recommande ce groupe quand même, hein. Allez-y, hein, faut y aller. Ouais. Bah, ton dernier groupe? Eh bien, moi, c'est No One Is Innocent. Ah oui, c'est vrai. Quoi ? Bah j'avais oublié que t'avais ça. Bah ouais, j'ai ça. Ouais. Ou No One, hein, pour ceux qui pour Les vieux aficionados. C'est ça. La peau. Donc, c'est un groupe français. C'est vrai. Et Cocorico. Cocorico. Mais ça, tout le monde le sait. C'est vrai. Donc, ils officient depuis 94. Enfin, ils ont fait une pause en 98. Bah, là, le voilà. Mondial. C'est ça. Pour reprendre en 2004. Et ne plus faire de pause. Et ne plus faire de pause. Je trouve que, ouais, ils ont fait... En fait, après 2004, quoi, ils sont plutôt bien démerdés, les mecs. Quoi. Ah bah, ils ont... Oui, ils ont lâché les wagons, là. Clairement. Ouais. Ouais. Donc, voilà, c'est un groupe de rock. Enfin, c'est un groupe de rock. C'est un groupe de rock. C'est un groupe de rock français. Efficace. C'est vrai. Et pas cher. Non, mais après, ouais, c'est, ça a baigné un petit peu, bercé, on va dire, mon adolescence. Ouais. Enfin, vraiment, avec les premiers albums, comme tu disais tout à l'heure, La Peau, tout ouais. Ça, c'était vraiment tout à fait ça. J'ai eu assez de plaisir à les réécouter, malgré le fait que je trouve que certains albums se ressemblent quand même pas mal. Mmh. Ça reste un peu sur la même veine. Il n'y a vraiment que le dernier qui se démarque hein, de tout ce qu'ils ont pu faire. Oh, même l'avant-dernier, je trouve aussi. Là, un peu... L'avant-dernier, non, je l'ai trouvé... En fait, je trouve que c'est la transition. Ah oui ? Je dirais l'avant-dernier, c'est la transition entre ce qu'ils ont fait avant et ce qu'ils font maintenant, du coup, avec le dernier. Et j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Donc, je ne le connaissais pas beaucoup, en fait, l'avant-dernier album. Ouais. Et, bah, je l'ai redécouvert, on va dire, et je le trouve pas mal. Et ouais, je trouve que c'est la transition. Et le dernier, alors ? Bah, le dernier, il est, je le trouve très bien. Il est bien. Ouais, il est bien. Je le trouve très bien. Et ça fait plaisir de voir un espèce de nouveau souffle comme ça de la part de No One et de les revoir. Parce qu'en fait, j'avais l'impression qu'ils étaient plus trop sur scène, qu'ils étaient plus trop là. Quoi. Ouais, mais et du coup, avec ce dernier album, quoi, ils reviennent justement aussi avec Tagada. Puis bah, du coup, avec un petit peu aussi le bal des enragés. Quoi. Et ouais, je trouve que... Ouais, et puis sur scène, ça envoie. Hein. Bah, je les ai pas vus encore. Ah, j'ai grosse... ouais, vraiment. Ouais. Bah, ça m'étonne pas, en fait. Hein. Enfin, je pense que déjà, oui, c'est Kayan, c'est ça, Kian. Ouais. Le chanteur. Qui se... Non, c'est pas Kian. Non. C'est un Kemar. Voilà. Je confonds. Oui. Je confonds. Avec No One is Coupable. C'est ça. Kemar, voilà. Ouais, non, enfin, après, j'ai vu quelques vidéos d'anciens concerts. Et je trouve déjà, il se la donnait pas mal. Mais... Ah, déjà, lui, il arrête pas. Mais c'est vrai que les nouveaux morceaux, ils sont impressionnants. Là, ouais. Ah, non, mais ouais, pour dire. Bah, voilà, pour l'histoire, on va dire que c'est la peau vraiment qui les a fait sortir. Ouais. À l'époque, hein, ils étaient connus dans la même veine avec Lofofora, Onajax, Silmarils, tous ces vieux groupes des années 90 hein, qu'on a pu connaître. Hein. Qui passaient sur Fun Radio. Voilà, Fun Radio et Energy, Skyrock, pardon. Et en fait, c'est vraiment la peau qui les a fait émerger de tout ça. Quoi. Et ils ont fait pas mal de trucs. Hein. Et là, depuis 2014, quoi, depuis 2011, en fait... Depuis 2004, pardon, leur retour, ils ont fait pas mal d'avant-premières, de premières parties, comme celle de Motorhead, Guns N' Roses, ouais, ils ont fait pas mal de trucs, quoi, et du coup, j'ai été assez surpris de voir ça, quoi, parce qu'ils ont quand même fait pas mal de dates, Toulouse, Clermont-Ferrand, Nantes, Lille, Paris... Ah, oh, mais ils arrêtent pas, ils arrêtent pas... Non, franchement, bien ouais. Ah ouais, non, plus... Donc voilà, ils ont fait la première partie de la CDC au Stade de France. Voilà, un petit passage au Hellfest en 2016. Et voilà, puis là, bah, du coup, ils repartent avec Tyler Jones, annonce une mini tournée électorale avec No One Is Innocent qui débute le 1er avril 2017. Et attention, tenez-vous bien, les Insus, ex-téléphone, invitent le groupe pour assurer leur première partie le 15 et 16 septembre 2017 au Stade de France. Quoi. La grande classe, quoi. Il n'y en a pas beaucoup des groupes qui peuvent se dire on a fait plusieurs premières parties au Stade de France. Hein. C'est vrai. Mmh. Et bah eux aussi. Ah non, ils l'ont fait. C'est stylé, c'est stylé. Bravo. Voilà. Bravo à vous les gars. Tout à fait. Et donc non, vraiment, très surprenant. Parce que bah, comme toi, en fait, moi j'étais resté sur La Peau. Mmh. Et quand j'ai redécouvert ce qu'ils font maintenant, je fais Je sais plus à quelle occasion on s'est dit tiens, on va écouter le dernier No One parce que. Parce que j'avais dû dire que j'avais entendu parler que l'avant-dernier était un peu différent. Ouais. Et donc, il fallait écouter le dernier. Mais vraiment. Voilà, c'était comme ça. Je m'en rappelle, j'étais là, moi. T'étais là, t'es dans le coin, t'as fait J'étais là, en train de je sais plus quoi faire. Et quand j'ai entendu les premières notes, déjà, ça m'a plu, quoi. Mm. Et ouais, direct, j'ai accroché, je crois. Ah ouais, non, mais j'ai accroché direct. Vraiment, c'est bien. Donc est-ce que tu irais les voir? Alors, je ne sais pas, ils passent en main stage. Ouais, je pense. Ouais. Ouais, donc voilà, ça peut peut-être m'arrêter. Ou pas, je ne sais pas. Honnêtement, je peux pas dire. J'irai bien les voir pour voir No One, parce que je les ai jamais vus. Ça dépend quand. Mais là, on est plus sûr. T'aimerais bien les voir. J'aimerais bien les voir. Ouais. C'est déjà ça. C'est sûr. Bon, si je peux un jour les voir sur une plus petite scène, du genre... Pas loin de chez nous. Par là-bas, ce serait encore plus mieux. Ah bah écoute, oui. Te comprendre, voilà. Je ne peux que te comprendre, mais tout à fait parce que je les ai vus moi donc. Tu pouvais venir, hein. La porte était ouverte, hein. Personne t'a dit non, de pas c'est venir. Faux, c'est quoi faux, de c'est con, c'est con, de quoi, non, je crois, tu veux régler tes comptes, c'est ça, en direct, non, mais t'arrives le jour du concert, c'est plein, c'est comme ça s'est passé, ah ouais, d'accord, voilà, donc c'était nos. Chronique à tous de cette semaine. Ouais, à tous, donc, à nous deux. Donc on va passer au tirage au sort pour la prochaine fois, qui sera donc potentiellement la semaine prochaine, en fin de journée normalement. Oui, ouais, ouais. Si possible. Parce que la dernière fois... ils s'en foutent. Ah oui, on n'est pas obligé de... Pardon. Je raconte ma vie. Ce serait indirect encore. Ah mais je me sens bien, j'ai l'impression de pouvoir parler avec les gens. C'est ça. Que les gens ils parlent donc, pas avec toi. Donc c'est Carpathian Forest le dernier, donc c'est à toi de tirer. Ah, donc c'est à moi de tirer. Donc je tire. Hein. Attention. ZZ top. Sympathique. La chatte, c'est un animal. Oui. Qui se demande. Qui les gens ils sont là. Et, oh, disons, qui sait pas si elle sort, qui sait pas si elle rentre. Alors. Qu'est-ce que t'as? À Orlac. Oula. Ouais. Ça, à mon avis, c'est un groupe de géants. Ça, je suis reparti pour en Scandinavie. Ouais. J'ai gagné. Allez, c'est un groupe de géants de pierre, je pense. À Orlac. Oh bah, d'accord. Hank von Hell. Oh. t'as déjà écouté. Bah oui. Il a peut-être fait un album avant. Hein. Peut-être. Bah, j'aime beaucoup Turbo Negro. Pour l'instant, je connais. Ça va pas trop me dépayser. Blackberry Smoke. Comme le téléphone. Oui. Sauf que là, c'est de la fumée. D'accord. C'est étrange comme nom. Comment il juge, lui, c'est fou, ça. Non, j'ai dit c'est étrange. Oui, t'as dit ça. J'ai pas dit que c'est de la merde. Graveyard. Hey. Force. Putain, c'est un truc de fou. Tu l'as pas déjà vu? Bah si, je connais Graveyard. Alors, Lucifer Child. Ah, c'est pas toi qui t'es tombé sur Lucifer, ou Glucifer, non? Ah oui, j'ai vu Glucifer, ouais. Bah, c'est ton truc, toi, t'es très 666, toi. Attends, c'est moi ou c'était Joe? C'était pas toi, Glucifer? Je sais pas. Je ne sais plus. Faudrait qu'on écoute. T'es fou? On va tous en fait. Venom Inc. Ah. Alors là, par contre, ça va être de la découverte. Bah non, mais c'est l'autre facette de Venom, en fait. Parce que, oui, d'accord. Tu vois? Mais déjà, je connais pas la première facette de Venom. Ah bah, donc, du coup, Venom Inc. Whitechapel. Whitechapel. Chapelle blanche. Ah. Ça va être sympa. Voilà, voilà. Bon, eh bien, après 1h40 d'émission, quand même. Semée de beaucoup d'embûches et d'autres, vous ne vous rendez pas compte parce qu'avec la magie, rien n'est paru. Mais... voilà, c'est un épisode compliqué, ouais. Laissez-moi vous le dire, à tous les niveaux. Ouais. Bizarrement. On a eu beaucoup de mal à démarrer, beaucoup de mal à s'y mettre. Ouais. La technique n'a pas voulu suivre. J'espère que ça ne s'est pas trop ressenti sur l'épisode en général. Et du coup, on vous dit à la semaine prochaine. On vous souhaite une très bonne semaine. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir discuter avec nous, nous envoyer des messages. Interagir avec nous, nous poser des questions, nous faire des retours, nous dire que c'est de la merde. Enfin bon, on est lucide, hein, non plus. Bob, je te souhaite un très bon week-end à Nantes. J'espère que tu profiteras bien. Bah, j'espère aussi, ouais. Et pour vous, chers auditeurs, on vous dit à la semaine prochaine. On vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Donc ça veut dire que je dis deux fois la semaine prochaine. Donc parce que je dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non, bah non. Ah non. Donc on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Non. Non. Non, non, non, non. Tu dis pas à la semaine prochaine si je le dis. Ah oui, d'accord. Mais si tu dis on vous emmerde, tu le dis pas non plus. Ça fait deux fois que tu parles. Ah, ok. Ou alors on fait un binôme, genre on vous aime, on vous emmerde. À la semaine prochaine ensemble. Ah, on pourrait le faire en canon. Bah non, c'est ce qu'on a fait, ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, on vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Il a rien compris. Je sais pas, tu m'as dit, on peut le faire en même temps. À la semaine prochaine, en même temps. À la semaine prochaine. En même temps. Ok, je vais piger le truc. Oh là là là. On vous aime. Et on vous emmerde. À la semaine prochaine. Ouais, ça fait sympa, on dirait une émission pour les enfants. Non, mais ça fait surtout genre les mecs qui sont de connivence. C'est ça, on est de connivence. On est un peu de connivence. Comme Gérald de Palmas qui était sur la route toute la sainte journée. Il a pas de rapport. Aucun. Très bien.